écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre cou, vous avez raté ça. Aurélien ! Ouais, et tu sais que l'hippocampe, mais on ne sait jamais dans quel camping. Ça, c'est drôle, j'aime bien. T'es toujours en vie ? Oui, je suis toujours là, ouais. Et tu as rencontré Georges aujourd'hui ? Ouais, franchement, il est dégueulasse, hein. Oh non, Victoria ! Ça se fait pas ! Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram. Et maintenant, en live. Sur Fun Radio. Et oui, on est en live. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Journée de congé hein, pour la majorité d'entre vous. Et puis bah, journée de boulot pour d'autres évidemment. Bon, bah, soirée de ouf hier, hein, vous l'avez vécu en direct avec nous. L'humiliation pour le Brésil, on a suivi ça en direct. Et on était les premiers aussi à mettre toutes les photos qu'on a trouvées toute la journée sur Facebook, sur Twitter, un petit peu partout. Donc bah, vous pouvez les voir encore hein, si vous ne l'avez pas encore vu. On sait jamais que vous soyez dans un autre monde, hein, on sait jamais. C'est sur le Facebook de l'émission, vous tapez Mickaël officiel. Bon, ce soir on va voir si les Pays-Bas vont mettre une patate également, la même correction à l'Argentine. Tout à l'heure, ce sera vers 22h, on vous tient au jus, il n'y a pas de problème. Et en attendant, eh ben, on est avec vous jusqu'à minuit, comme tous les soirs, là. Tranquille, pépère, avec plein de cadeaux également à gagner. Et on a Julien avec nous, là. Salut, Julien de Montpellier. Salut, Mickaël, ça va ? Encore un doux pour commencer, mais on commence qu'avec des doux, c'est un truc de dingue, ça. Ah oui, mais c'est normal, après, ils vont dormir. Ah ben, ils vont se reposer, les petits. Ben oui. Bon, tu vas dormir à quelle heure, toi, le doux ? 2h du matin, non, en général. T'es un rebelle, toi, t'es un doux rebelle, non? Le doux couche-tard. Oui. Le doux couche-tard, ouais. Bon, et tu nous appelles parce que t'as envie de devenir doux officiel? Oui, exactement. Bon, je rappelle que les 12 sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Donc toi, en l'occurrence, tu en as 12, hein, donc ça, effectivement, tu rentres dans les critères, pas de problème. Eh ben, je te passe Polo, le chef des doux. D'accord. Allez, vas-y. Allô, comment t'appelles-tu? Julien, moi, Polo, grand maître de il la confrérie bien, hein, des doux. Ouais, Julien. Propre, ouais. Grand maître de la confrérie des doux et général en chef des armées des doux. J'ai compris ta demande, Julien. Julien, tu veux devenir doux officiel? Oui. Eh bien, pour cela, tu dois te mettre à genoux, Julien. D'accord. Afin d'effectuer c'est le baptême. Bon. Julien, insulte-toi. Oui. Je suis un enculé de putain de fils de teuf de merde. Ah, sympa, efficace. Julien, voilà. Ton téléphone est-il dans la main droite? Oui. Eh bien, tape-toi sur la tête avec. D'accord. Julien, ça suffit. Julien, d'accord. La bonne nouvelle est arrivée. Oui. Tu es doux officiel, bravo. Ouais ouais. Eh bien, je pense qu'on va l'appeler le doux couche-tard. Hein. Oui. Bah, le doux couche-tard me paraît pas mal. C'est pas mal. Voilà, le doux couche-tard, très bien. Bon, en tant que doux officiel, merci. N'oublie pas, bien entendu, que tu as la lourde charge sur tes épaules de devoir prévenir tous tes potes qui ne sont pas encore à l'écoute de Fun. Eh bien, d'écouter 20h minuit là, jusqu'à dimanche et puis après 23h, 2h dès le mois d'août quand on sera de retour. Mickaël ? Oui. Je peux avoir un taxon ? Ben oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite, le doux couche-tard. Bon, d'accord. N'oublie pas de changer ton pseudo sur Facebook, Twitter et Instagram également. Hein. Oui, ça. Très bien. T'as vu la vidéo là qu'on a postée là hier? La vidéo, non, avant-hier, non, hier. Non, la hier. Vidéo du chéri, je peux te faire cocu, tu l'as vu ou pas? Ah oui, elle était trop bien. Ah non, bah, elle est juste énormissime. Si vous l'avez pas vu, je vous l'ai reposté. Tiens, il y a une petite heure sur le Facebook et le Twitter. Tapez Mickaël officiel hein, pour nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus évidemment. Bon, allez, à tout à l'heure, Julien, le doux couche-tard là. À tout à l'heure. Salut, tu veux écouter un son toi aussi ou pas? Je veux bien Sia Chandelier, comme ça. Sia, bon, on va chier alors. Sia, non. Voilà, celui-là. Oui. Et eh ben voilà, Sia avec Chandelier. Et je peux faire une dédicace? Eh ben vas-y, deux même, puisque t'es un doux officiel. Vas-y, d'accord, profite. Donc, dédicace à Mathis qui m'entend là. Ouais. Et dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront. D'accord, et eh ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut le doux couche-tard. Allez, salut. Allez, à bientôt, ciao à toi. Bon, et puis appelez-nous hein, si vous voulez délirer avec nous. On est là jusqu'à minuit, donc pas de problème. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, vous faites le 02 851 4x0. On parlera tous ensemble, comme tous les soirs d'ailleurs. Sandro qui répond d'ailleurs justement à vos appels. Débordé d'ailleurs. Hein. Oui. Totalement débordé. Oh là là là là. Plus que débordé, donc appelez-la si vous voulez parler avec elle, il n'y a pas de problème. Tof qui est prêt également pour faire de nouvelles connaissances. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà, comme d'habitude, très charmant. C'est comme il faut, moi. Voilà. C'est ça que tu aimes, hein, de te faire autonomiser, toi, hein. Eh oui, hein, toi, hein. Bon, on fera de nouveaux appels tout à l'heure. Et donc, c'est un auditeur qui nous avait parlé de paix hier, donc du coup, on va les appeler ce soir. Ben oui. Voilà, bon, non, j'en dis pas plus. Pour ceux qui n'étaient pas là, on fera les premiers appels malveillants d'ici une petite vingtaine de minutes. Polo qui a préparé sa campagne d'été avec les doux, hein. Parce qu'il part en colonie. Oui, bah oui, je vais les tout. Voilà, il part en colonie avec tous les doux en camping. C'est des sortes de scouts, les doux maintenant. Voilà, c'est les scouts toujours. Voilà, exactement. Doux toujours. Voilà, et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah vous demandez. Hein. Je vous ai prévu déjà Ariana Grande avec Break Free. Donc si vous avez envie de quelque chose, vous demandez, il n'y a pas de problème. Sinon, comme je connais un peu vos goûts, je vous ai calé aussi Jason Derulo et Snoop avec Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Je viens de le dire, Jason. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Voilà, comme je sais que, à mon avis, vous aimez bien aussi, il y aura Black M. Et puis si vous voulez écouter un son, eh ben comme je le disais, vous demandez avec le hashtag MIKL20h sur Fun. Puisqu'on parle de Twitter également, je vous rappelle aussi que vous pouvez venir nous follower. Hein, si vous me faites un petit follow, si vous me suivez, je vous suivrai également sur Twitter. Vous tapez simplement MIKL underscore, c'est le petit tiret en bas officiel pour nous follower. Pareil sur Instagram, si vous me suivez, je vous suivrai aussi. Sur la chaîne YouTube, on en parle avec la vidéo notamment du chéri, je peux te faire cocu, qui est dispo là aussi. Si vous suivez la chaîne, eh bien je suivrai la vôtre. Vous tapez MIKL officiel. Tout simplement, il y a Sandra B aussi sur le Twitter. Coucou à tous, salut Sandra, la douce fada qui dit quel plaisir de vous retrouver mes amours. Ah mais c'est gentil la douce fada, des bisous à toi aussi. Et Sofiane, s'il te plaît Mickaël, je peux avoir un message de bienvenue? Bah écoute, ouais, si tu veux, bien sûr. Eh ben je vais baiser avec ta chienne moi. Eh ben voilà, tout simplement. J'espère que tu en as une évidemment, sinon ça tombe à l'eau. Et enfin Marine qui dit salut Mickaël, ça fait longtemps que j'écoute votre émission et vous êtes toujours aussi géniaux, ne changez surtout pas. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Bah toi aussi t'en veux un, bah je vais t'en mettre un petit, tiens. Alors attends une seconde, là j'ai celui-là en stock. Non, pas celui-là. Celui-là. Je me casse les couilles là. Ah. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà, en toute simplicité évidemment. Bon, il y a la question également pour repartir avec votre tablette qu'on va poser. Bah, je vais la poser maintenant, tiens. Alors, pour gagner la tablette, la Asus MemoPad 10 qui vaut 200€, elle existe en noir, en rose, en blanc, bref, il y en a pour tout le monde. C'est une 10 pouces, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus, si vous la gagnez aujourd'hui, vous serez livré courant de la semaine prochaine et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Pour gagner, c'est simple, vous devez envoyer jeu et la réponse. La réponse à quoi? Eh bien, la réponse à la question suivante. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Je ne donne pas d'indice pour l'instant. Je vais voir si vous galérez ou pas. Je vous entendrai en fonction. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh ben c'est simple. Vous envoyez jeu, J-E-U, espace, la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 pour la Belgique. Et je tire au sort avant 22h là pour à la moitié de l'émission. Voilà, à la moitié de l'émission, je tire au sort pour vous offrir votre tablette Asus MemoPad 10 qui vaut 200€. Elle sera peut-être pour vous. Donc bonne chance à tous. Je répète la question. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Allez-y, bonne chance. Hugo qui voulait écouter le nouveau David Guetta également. Bah bien sûr, pas de problème hein. Avec Blastoff, on l'écoutera tout à l'heure, sans problème Hugo. Et Cédric qui dit ouais, d'où un jour, d'où toujours. Exactement, ouais. Et Virginie 66, bonsoir à tous, encore une soirée de folie, je vous aime. Et bah gros bisous à toi aussi, mais nous aussi on vous aime évidemment. D'ailleurs vous allez nous manquer pendant les vacances hein. Oh oui, ça va être triste. On sera connectés, Facebook, Twitter, Instagram, on mettra les photos, etc. Ça va être cool. En plus Toff va se marier, je tiens à le rappeler. Mais oui. Il s'est engagé à se marier, à partir à Vegas, à se marier, et s'il se marie, Polo m'offre un voyage. Ouais, non, mais attends, sur preuve. Ouais, bah il y aura des preuves, on va s'arranger. Un certificat officiel. Bah oui. Bon, et bonne nouvelle également pour Georges. Je sais pas si vous connaissez Georges, on va essayer de l'appeler dans quelques minutes là. Georges, qu'on a depuis quelques jours, qui a un petit peu de mal à draguer. Alors, Georges, c'est celui-là si vous le connaissez pas. Est-ce que tu m'as tapé dans l'œil en fait? Voilà, puis il y avait ça aussi. Ah, d'accord. Ah, d'accord, hein. Ah, toi, je te connais, je crois. Voilà, le meilleur dragueur du monde. La deuxième fille, la française que j'ai eue aujourd'hui sur le forum. Ouais. J'aimerais bien qu'on l'appelle aussi, mais elle m'appelle en privé à chaque fois. Ouais, elle appelle en numéro privé. Moralité, elle n'a pas envie de lui donner son numéro. Parce qu'il y a raison. En fait, tu m'as tapé dans les doigts. Et voilà, tu m'as tapé dans les doigts. Enfin bref, une histoire. Et donc, Georges, j'ai trouvé un nouveau style de speed dating. Pour faut aller en Angleterre. Ça, c'est le côté négatif. Mais je suis sûr que t'auras certainement plus de chances de trouver une meuf. Le principe, donc, c'est comme un speed dating normal, sauf que tu mets un sac en papier sur ta tête. C'est un peu comme l'amour est aveugle, en gros, quoi. Donc voilà, ça peut être sympa. Ouais, c'est donc, pas mal. Voilà, est-ce que vous avez déjà fait des speed dating? Bah venez nous raconter comment ça s'est passé. Et puis donnez-nous vos techniques de drague pour les vacances. Tiens, vous envoyez MIKL et votre message au 64-900. Ou alors vous nous appelez si vous avez déjà fait du speed dating ou si vous avez des petites idées drague à nous communiquer. N'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. Bon, il y aura Katy Perry aussi à suivre dans un instant. This is how we do. Avec This is how we do. Bon, 20h09 sur Fun Radio, on est là, on va passer la soirée ensemble, à la cool, toujours la tablette à gagner, je vous répéterai la question dans quelques minutes. Et puis Katy Perry arrive dans un instant, c'est Mickaël No Limit, on est en direct, et cherchez pas ailleurs, on est les seuls à être en direct, jusqu'à minuit sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, là, 20h13. Bienvenue si vous arrivez. Il y a les appels malveillants qui arrivent dans un quart d'heure. On va également prendre Georges, hein, on va la récupérer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on aura apparemment, j'ai une meuf qui est là pour Georges. Mais là, c'est pas possible. C'est la folie totale. Le mec, c'est un don juan. C'est-à-dire qu'il y a des mecs pour Georges tout le temps. Moi, j'ai jamais personne. Mais attendez, dingue, mais vous avez pas vu l'info là, le tolard là, l'espèce de beau gosse avec des yeux bleus. Oui. Ouais, le mec, c'est un tolard. Je crois qu'il a tué des gens en port d'armes. Et toutes les meufs craquent dessus. Ouais, mais juste c'est un parce qu'il a des yeux bleus. Ouais, mais voilà. Bon, allez, on va aller on le prendre dans un instant, le Georges. Et puis je vous ai demandé aussi de quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps. Si vous avez la réponse, il y a une tablette à gagner. Un MemoPad 10, c'est celle d'Asus. Là, elle vaut 200 euros. Vous serez livré la semaine prochaine si vous la gagnez aujourd'hui. Il faut simplement envoyer tout simplement JEU et la réponse. Et il y a 12 Fada qui proposait. Moi, je sais, c'est l'album de Damien. Oui, bien sûr, le canadariste, évidemment. Ouais. On proposait également l'album de Black M. Non, mais de tous les temps. C'est-à-dire que Black M, il y a 24 heures, puis ça n'existait pas. Enfin, oui. Façon de parler, quoi, hein, tu vois. Justin Bieber. Non, c'est pas ça. La Stromae, gros bisous de Marlène. C'est pas Stromae. Robin Thicke. Non. Eminem. Non plus, Johnny Hallyday non plus, David Guetta non plus, Patrick Hernandez non plus. Il y a quoi l'album le plus vendu? Celui de Damien avec ses plus grands tubes, Club Med et The Bread is Fresh non plus. Elvis Presley, non. On aurait pu croire, mais c'est pas la bonne réponse. Donc pour l'instant, c'est pas trouvé là. Vous envoyez simplement JEU et la réponse au 64-900. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Allez, bonne chance tout le monde. On donnera la réponse avant 22h. La tablette vaut 200 euros. C'est l'Asus qui est peut-être pour vous. Et puis on écoute le son de Katy Perry maintenant sur Fun Radio à 20h15. Avant de faire les appels malveillants dans un quart d'heure, c'est This is how we do maintenant sur Fun. Katy Perry sur Fun Radio. Et hey, this is how we do. 20h18, Cédric il dit, il faut que tu y trouves un producteur et une maison de disque à Damien là, oublie pas. Ouais, je sais bien, mais bon, ça se trouve pas comme ça là. Bah ouais, il faut que le mec soit assez con pour le produire. Enfin, il y a quand même Jean-Pierre Sauzère en est mort, alors voilà. On a essayé sur My Major Company, mais il y a personne qui en veut. Hein. Bah sans déconner, tiens. Bah pour ceux qui connaissent pas Damien, c'est un auditeur fidèle qui s'est autoproclamé canulariste. C'est ça. C'est un truc qui n'existe pas, mais enfin bref, il fait des canulars et malheureusement il fait aussi de la musique. C'est le Club Med. Voilà, comme ça par exemple. Hein. Club Med, Club Med, Club Med. Je vais mettre un peu plus loin. Hein. C'est un de ces morceaux là. Et puis après il y avait aussi ça. Hello. So good. So good. Do you want some bread? Yes. The bread is fresh. Voilà, et puis après ça démarre et c'est parti hein. Voilà, Damien, do you want some bread? Fresh. Voilà, ça c'est ces deux singles là justement. Donc bon, on en a un troisième là. Si, mais il faut qu'il me le renvoie parce que je l'ai paumé, j'ai niqué mes mails et il faut qu'il me le renvoie. Damien, renvoie-moi ton nouveau titre. Adeline aussi, bonsoir à toute l'équipe, je crois que je vais prendre cher, ça fait 2 mois que je vous ai pas écouté. Non mais quoi? Adeline, t'es pas sérieux. Je me souviens en plus de toi là, Adeline, je me souviens de ton pseudo là. Adeline, enfin ton nom en l'occurrence. Bon bah bien, au moins t'es revenu, c'est déjà ça le prix, hein. Mais ça t'empêchera pas de prendre un coup de pelle quand même dans la tronche, Adeline. Mamie Nova également, Mickaël, 20h sur Fun, salut les loulous, continue à mettre le feu sur dans nos radios, bah c'est ce qu'on va essayer de faire. Et Cédric ici, il faut que tu lui trouves un producteur. Bah oui, on va essayer. Corentin aussi. Salut Mickaël, je finis ma journée avec toi, je peux avoir un message de bienvenue et un coup de pelle pour mon chat. Parce qu'il a fait le chat, mais oui, ça peut s'arranger effectivement. Et puis message de bienvenue bien sûr. Je me casse les couilles là. Ah, Bon. Enculéa. Enculéa. Bon, allez, continuez à balancer tous vos messages, bien entendu. Et puis, dites-nous aussi si vous avez déjà fait du speed dating. On va en parler justement. Georges, t'es là? Oui, nickel. Bon, alors, Georges. Alors, par solidarité avec toi, on va parler comme ça. Est-ce que t'en. Tof, ça se fait pas au coin. Ouais, ça se fait pas, Tof. Une minute au coin, ça lui fera les pieds. Comme ça, on est tranquille. Chien. Chien. Non, mais attends, c'est quand même exceptionnel, ça. Bon, déjà, Georges, attends, je tiens quand même à remercier le pâtissier de fun qui est passé. Hein. Titi qui nous a ramené des pâtisseries, justement. Hein. Il nous a ramené des petits merde. Des macarons, voilà, c'est ça, des macarons. Et une magnifique bouteille de Mojito. Oh. Très bien. Voilà. Vous avez entendu Georges qui dit, tu dis le pâtissier, dit oui, il a ramené des petits gâteaux. Bah oui, tu voulais ramener quoi? De la viande, un steak. C'est ça. Une bah, pizza. Merci hein, le pâtissier. Hein. Merci, bravo. Mais de rien, il fallait bien que je passe avant les vacances. Bah évidemment. Et c'est la différence entre le pâtissier et le cuisinier. Pourquoi? Bah le cuisinier, tu vois, ce crevard, il te ramène jamais rien. Il a pas ramené un bout de steak. Voilà. Et par contre, lui, il ramène toujours des gâteaux. Ah voilà. Oui, c'est pour ça que évidemment. Je préfère les boulangers pâtissiers que les cuistots. C'est ça. Ouais. Bon, alors Georges. Oui, nickel. Bon, t'as eu un rencard aujourd'hui ou pas alors? Non. Ah, oh merde. Bah écoute, ce sont les choses qui arrivent. Est-ce que t'as entendu le début de l'émission quand je t'ai parlé d'un nouveau du speed dating? Oui. Ah, parfait. Donc ça te parle, ça t'intéresse ou pas? Ouais, ça m'intéresse. Voilà, donc c'est un nouveau style de speed dating. Donc faut aller en Angleterre, en tout cas c'est. Allô? T'es aux toilettes là? Non. Ah bon. Donc je disais qu'il faut aller en Angleterre, hein, mais bon, évidemment, ça peut se trouver certainement, ouais. Ça peut se lancer en tout cas chez nous. Et donc le principe, c'est comme un speed dating normal, sauf qu'il faut mettre un sac papier sur la tête, un peu comme l'amour est aveugle. Tu devrais faire ça d'ailleurs, L'amour est aveugle, mais tu peux cartonner. Pourquoi tu t'es inscrit à l'amour est aveugle ou pas? Non. C'est pas intéressant. Ah si. Non. Ah si, je peux pas te dire ça, c'est intéressant. On voit pas ta gueule et tu risques d'avoir de pécho une meuf. Moi j'aime bien cette émission, hein. L'amour est aveugle, j'adore. Ah, moi je trouve non, ça super sinon, drôle. Sinon vous regardez Les Anges de la télé, réalité. Non, nous on préfère, l'amour est aveugle, hein, sincèrement. Bon ok, c'est vrai qu'il y a plus de bonnes dans Les Anges, c'est vrai, faut dire. Ça dépend, l'amour est aveugle, ça dépend des émissions. Ouais, bon, enfin, il y a parfois quand même des grosses lettres quand même. Bah l'amour est aveugle. Ah ben c'est ça. Bon attends, Georges, une bonne nouvelle. D'entrée de jeu, on a Elodie qui est arrivée là, qui voulait parler avec toi. Salut Elodie. Salut. Comment ça va? Ben, ça va. T'es en forme? Oui. Tu veux parler à Georges, toi, t'es intéressé? En parlant de forme. Mais. Elodie? Oui. T'es sûr, t'es pas sous la menace? Y a personne qui te menace de mort ou qui est derrière toi en train de t'étrangler avec un fusil sur la tempe? Tu fais ça de ton propre. Chef. De ton propre chef? Oui, oui. Personne ne t'a forcé? Mais c'est pas possible. C'est dingue ça, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui te plaît chez Georges? Mais en fait, j'ai pas vu sa tête encore, mais. Ah, ouais. Mais oui. Est-ce que nous, on peut se faire une idée de la tête? Mais l'amour est aveugle! Oui, sûrement. Alors, Elodie, combien mesures-tu? Je fais 1m65. Combien pèses-tu? Je fais 52 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95. Ah oui. Et la tête, les pantalons que t'as achetés? 34. Oh là là là là! Vas-y, chante-le! Vas-y, Georges! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Vas-y, Georges! Ouais, Georges! Vas-y encore! C'est pas fini. Plus, ah bah ouais, c'est qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne. Regarde, écoute qu'est-ce qu'elle est bonne, ou. Écoute la chanson, là, tu vas la refaire après, là. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Et là, c'est là que t'as raté, écoute. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah ouais, on a bien entendu le ouh ouh là. Bon alors Elodie, bah écoute, je te présente Georges, hein. Georges, fais pas de conneries, hein, on va pas t'en présenter tous les jours, déjà que tu nous as foiré celle d'hier. Ouais. Bon alors vas-y. Elodie, Georges, Elodie, je vous présente, hein. Vous voulez que je fasse une petite musique en même temps derrière ou pas? Ouais. Non. Non, bah alors oui ou non? Bon allez, je vous joue de la guitare. Vas-y. Allez-y. Elle est mal accordée là. Attends, je vais. En même temps, Georges est mal accordé aussi, c'est pas c'est grave. Vrai. Non, c'est bon. C'est du ré majeur là. Georges! Elodie? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, attends. Tu fais quoi? Bah là, tu fais moi. Attendez, je vais foutre la merde, je mets des extras à lui d'hier et avant-hier. Oui, ça va. Ouais, sinon, Tu fais quoi? C'est comment, physiquement? Elle vient de te le dire, du coup. Elle vient de me dire en même temps, donc. Parce que tu m'as tapé dans l'œil en fait. De quoi? Parce que tu m'as tapé dans l'œil en fait. Ah ouais? Ah d'accord. Mais tu m'as jamais vu en fait, donc. Ah, toi je te connais je crois. Oui, tu me connais, oui. Ouais, en fait, tu m'as tapé dans les doigts et. C'était quoi? Et petite de taille ou grande? Bah je suis 1m65. Je sais pas si tu peux poser des questions. Oui, vas-y. Pour l'instant, non, mais plus tard, oui. Pour faire quoi? Ouais, on s'ennuie un peu, là. Ouais. J'espère que ça va être bien demain. Et on fait quoi demain? Je suis content de te voir demain. D'accord. T'es content que je te dise ça? Bah écoute, si ça te fait plaisir, oui. Ah d'accord. Mais voilà. Ouais, en fait, tu m'as tapé dans les doigts et... Mais alors, je suis vraiment demi. Allô, Elodie? Oui. Là, il revient en direct. Il y a moyen qu'on se voit pas demain, un autre jour. J'ai déjà mis tous ces extraits-là, donc ça, c'est du vrai. Hein. Pour le moment, moi, c'est pas possible, en fait. Comment c'est pas possible? Comment? Bah, en fait, je suis pas chez ma mère, en fait. Je suis chez mon père et c'est pas à Paris. Ouais, mais on peut se voir après. Quand tu seras chez ta mère ou à l'extérieur, on peut se voir. Ou à l'extérieur. Bah, on verra. On verra. Ok. Sinon, ça intéresserait qu'on se voit samedi avant de partir. Mais c'est horrible! Elle vient de dire qu'il n'était pas là! Chez moi, donc voilà. Ok, il n'y a pas de. Comment tu veux qu'on fasse la différence entre les extraits et le vrai? Il dit tout le temps la même chose. Attends, on s'est connus. Ouais, mais quand je reviendrai, sûrement. Attends. Ok. Tu fais quoi? De quoi? Tu fais quoi de beau? Bah, je suis encore chez moi et je suis dans ma chambre. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu fais quoi de beau? Bah, la même chose qu'il y a 30 secondes. Ah, d'accord. Allô? Oui. Tu fais quoi? Juste à oublier. Allô, c'est fini? Non. Allô? Oui. Ah d'accord. D'accord. Ok. Ouais, en fait, tu m'as tapé dans les doigts et... Tu fais pas de beau? Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ah d'accord. Tu fais quoi de beau? Voilà, là je le remets, c'est lui qui parle. Oui, c'est moi. C'est pas moi qui parlais, t'as reconnu? T'es en train de dire que c'est pas lui qui parlait? Oui. C'est un enregistrement. Oui, oui, je te parle. Moi, je te parle. Oui, j'entends. Elodie? Oui. Tu fais quoi? Il y a toujours moyen, hein, ou on se voit, ou tu veux pas. Bah... T'as entendu que c'était une de toi? De quoi? T'as entendu que c'était une de toi? C'est une autre voix. Allô? Ouais, bah pour le moment, je sais pas si on va pouvoir se voir, tu vois, parce que voilà, comme... Parce que t'es en... Pourquoi ça te dérange de me voir? Mais il est con, ce mec, oh là t'as là dit là. Non, en plus, toi, il est pas chez sa mère. Enfin, voilà, quoi, je préfère apprendre. Non, mais on peut apprendre à se connaître. Bah oui, c'est ce qu'on va faire, mais... Par mais chaque chose dans son temps, c'est ça? Voilà, ça va être... Ouais. Ok, il n'y a pas de problème, Elodie. Et t'es en couple ou t'es célibataire, Elodie? Bah, je suis célibataire. Mais au début, tu m'as dit ouais. Et tu fais quoi? Et tu fais quoi? Mais non. Ah ouais, ça c'était bien ça. Tu fais quoi? Est-ce possible? Allô? Bon, je pense que c'est une affaire qui roule là, non? Ah bah oui, oh là là, hein, il a tout déroulé là. Ouais. Ah ouais, Georges, sincèrement, oui. là, comment tu sens cette histoire? Moi, je le sens bien. Moi, je la sens plutôt pas mal. Ah, mais... c'est ça qui est bon, là. D'ailleurs, est-ce qu'elle peut m'envoyer une photo à polo@fanradio.fr? J'aimerais bien voir. Il te parle à toi, Georges, hein, il faut non, que non, tu lui envoies non, une non, photo non, à Elodie. À polo@fanradio.fr. Non, garde là ta photo, Georges, chie dessus. Bon, Georges. Oui, Mickaël. Allez, on y va, sois bon pour une fois, ça changera. Et ouais. Essayez de vous voir et on vous rappelle quand vous vous serez vus, si ça arrive Mickaël, un jour. Mickaël. Oh là là, oui, Georges. Il y a moyen qu'on fasse le remix, ça serait bien. Oui, bah une seconde, je te dis que le remix arrivera un jour ou l'autre. Pas aujourd'hui. Mais si, peut-être aujourd'hui. Ou pas. On verra. J'aimerais bien. Oui, je me doute, on verra. S'il te plaît, Mickaël. Oui, bah oui, mais il me faut l'inspiration, il faut pas que tu me suces la bite. Il me faut l'inspiration, voilà. Bon, okay. Bon Georges, on va pas te déranger plus longtemps, on sait que t'es quelqu'un de très occupé. Oh, non, je suis pas occupé. Si, si, alors, si, t'es très occupé. Georges, je te laisse à tes occupations, d'accord? Ok, Mickaël. Salut Georges. Salut. Ciao. Au revoir. Eh ben voilà, bah Elodie, bah bonne chance alors hein. Juste Elodie, tu fais quoi? Ouais, tu fais quoi Elodie sinon? Bah va m'envoyer une photo à polo@fanradio.fr, P-O-L-O s'il te plaît. Hein, tu fais quoi de beau? Ok. C'était drôle hein. Ouais bah oui attends mais en même temps tu sais que je mette les voix enregistrées ou sa propre voix de toute façon c'est les mêmes questions donc ouais. Donc ça a pas changé grand chose a priori. Bon écoute Elodie, on va quand même te filer son numéro des fois que hein, tu sois vraiment en galère et puis ouais. T'en fais ce que tu veux hein, d'accord. Ok d'accord. Allez bah je t'embrasse Elodie, je te fais des bisous. Des gros bisous, au revoir. Salut Elodie, ciao à toi. Bon il y a les appels malveillants qui vont arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Il y a Cédric qui dit merci Mickaël, je me pisse dessus mort de rire. Il y a quoi, vous déchirez tout comme... Attends, tout comme tous les soirs je vous écoute, bah c'est gentil à toi. Kylian aussi, le pauvre Georges mais c'est quand même marrant. Il a quel âge Georges en fait? Il a 18 ans. Et alors Jordan aussi, mieux vaut que Georges fasse qui veut épouser mon fils. Ouais note, c'est pas plus con effectivement. Ouais, ouais non c'est peut-être même plus intelligent de faire ça hein. Qui va accuser mon fils? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Mais je sais pas. C'est peut-être mieux que les gens le voient pas, tu sais. Bon, appel malveillant à suivre. Je vous rappellerai également la question pour repartir avec votre tablette, la Asus Memo Pad 10. Et puis, on va s'écouter le son de Ariana Grande maintenant sur Fun Radio avec Break Free. Il est 20h31. On est en direct et on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. If you want it, take it. Voilà le son d'Ariana Grande à l'instant sur Fun Radio. Break Free. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, et on est là la semaine également, la preuve, hein, 20h minuit sur Fun Radio. Un message qui est arrivé par SMS là, Kevin, Toff, t'es trop moche. Si tu veux, je te paye une chirurgie esthétique car je gagne assez bien ma vie. Bah écoute, avec plaisir. Bah voilà, lui n'hésite c'est pas, gratuit en plus, hein, pourquoi pas. Et Yvan aussi qui dit trop fort, Georges, vous l'avez trouvé dans un asile. On l'a trouvé nulle part, nous a appelé un soir et puis voilà. Hein. Donc non, nous on y est pour rien dans cette affaire là. Bon, 20h35, les appels malveillants à suivre. Et toujours la grande question pour repartir avec la tablette Asus Memo Pad 10 qui vaut 200€. D'ailleurs, si vous la gagnez aujourd'hui, vous serez livré la semaine prochaine, donc service rapide. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez JEU et la réponse au 64 900 ou au 63 22 si vous êtes en Belgique. On proposait Meatloaf. Oh putain! Non! Ah, je souviens de ce groupe. Je suis content de voir que les auditeurs de Fun connaissent Meatloaf. C'est bien, Meatloaf, exactement. Bon, bah c'est pas la bonne réponse. Hein. C'est l'album de Jean-Pierre Sauzère pour Romain. Mauvaise réponse. Dylan, l'album le plus vendu, je dirais MC Solar. Oh là, bah là, t'es loin du compte. Hein. Pharrell Williams, parce qu'il est happy, c'est Marlène. Non plus, Madonna non plus. Tino Rossi avec Petit Papa Noël. Bien vu, mais c'est pas ça. Céline Dion, non, c'est pas ça. Frank Sinatra, My Way, c'est pas ça. Les Beatles pour Gabi, c'est pas ça. Goldman, c'est pas ça. M. Pokora, c'est pas ça. Claude François, c'est pas ça. Alors attention, c'est... quel est le chanteur donc de tous les temps, ça veut dire partout dans le monde. Donc zapper les Français déjà. Ah bah oui. Bah oui, ça a pas de sens. Rihanna, ça pourrait, mais c'est pas ça. Céron, non. Julio Iglesias, Stevie Wonder, Manu Chao, Elton John et Indila. Mais oui, Indila. Mais oui, qui a fait un titre. Bah, bien sûr. Bon, mais c'est super bien vendu. Hein. Bah oui, oh là là, très très bien. Et c'est sa mère d'ailleurs qui l'a acheté. Il y a Antoine qui dit l'album le plus vendu dans le monde est Michel Sardou. Non plus, j'ai dit oublier les Français. Bon, si vous avez des idées, allez-y. Hein, pour les autres, hein, vous envoyez simplement maintenant JEU et la réponse au 64 900 pour choper la tablette MemoPad 10 pardon, de chez Asus. C'est une 10 pouces, 1,6 GHz pour le processeur. Elle tient quasiment 10 heures. Et puis surtout, elle vaut 200€ et vous la recevrez la semaine prochaine si vous gagnez. Voilà, tirage au sort avant 22h. Je vous souhaite bonne chance. Et on se fait les appels malveillants. On va en prendre Corentin et Maxime maintenant là. Bon, appel malveillant à base de paix puisque un auditeur nous avait appelé hier. C'est Ryan qui est passé pour nous dire qu'il est bon pour la santé de péter. Oui. Voilà. Du coup, bah, on avait dit que Toff appellerait ce soir pour demander à ses amis combien de fois il pète par jour. Bah évidemment. Ça paraissait un bon plan. Hein. Bah c'est ça. Renseignons-nous. Bah, voilà. Donc est-ce que les gens sont en bonne santé? Exactement. On y va. On appelle maintenant les premiers numéros grâce au numéro que justement vous envoyez sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti. On fait le premier maintenant, 20h38 sur Fun Radio. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir combien de fois vous pétez par jour, monsieur. Mais espèce de connard. Là. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Ta gueule. Mais monsieur, ça se dit pas? Ta gueule PD, ça se dit, mais pas le reste apparemment. Ouais, non, on le rappelle quand même encore un petit coup. 20h38 toujours. Oui, allô, monsieur. Qu'est-ce que t'as, connard? Mais j'ai rien, madame. Je voulais juste savoir combien de fois vous pétez par jour. Et toi, combien de fois tu te fais sodomiser? Non, maintenant, t'arrêtes tes conneries. Je te préviens parce que mon mari travaille au commissariat de police. Bah oui, mais ça n'empêche pas de répondre aux questions, madame, enfin. Oui, oui, c'est ça. Je te préviens, encore une fois, tu nous appelles, c'est ça? Je téléphone au commissaire. D'accord. Mais je croyais que c'était votre mari. Ah merde, bah oui, comme par hasard. Oui, comme par hasard. Non mais c'est très bien, justement, bah attends, on le rappelle. Rappelons monsieur le commissaire. Bah oui, monsieur le commissaire. On y retourne. Oui, allô. Je croyais que c'était votre mari le commissaire, madame. Ah oui, bah la discussion était très intéressante. Ah, hein, bah, le oui, dialogue voilà. Là, magnifique dialogue, c'était vraiment très super intéressant. Grave. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai jamais trouvé ça aussi intéressant qu'aujourd'hui. Tout à fait. Bon, on en appellera d'autres tout à l'heure dans moins d'une heure. Vous restez connectés, vous restez branchés sur Fun Radio. Dans moins d'une heure, d'autres appels malveillants. On aura les chéris, je peux te faire cocu aussi dans quelques secondes. Ce sera avec Séverine. Et puis il y a Pierre qui dit la musique de Damien que vous avez passé tout à l'heure donne envie de vomir. Ça peut donner mal au crâne en effet, c'est vrai. Pierre aussi, salut la famille, encore une putain de soirée avec vous. Ben on va essayer en tout cas. Et puis Cyprien qui dit bonsoir l'équipe. Steve Aoki avec Freed Madness, demandez comme son. Je vais regarder ça Cyprien, si je l'ai je te le mets avec plaisir bien entendu. On va prendre comme promis maintenant Maxime qui est avec nous de Belfort. Salut Maxime. Salut Mickaël. Comment tu vas? Bah ça va tranquille et toi? Bah écoute plutôt pas mal là. Oui. On est bien installé là, 20h40, ouais. On est à la cool. On va parler devant la Xbox avec un Fanta tranquille. Hein. Eh ben voilà, nous on a les pâtisseries du pâtissier de Fun voir là. Bah, il a fait des macarons à la pâte d'amande, c'est-à-dire que t'as même pas le temps de le mâcher, le truc coule dans la bouche. Ah, au niveau de l'amande, il y en a beaucoup là. Tu pourrais dire à Teuf qui ferme sa gueule 2 minutes. Avec plaisir, mais tu lui as dit, voilà, il a entendu là. Okay. Tu vois, je vais lui mettre un coup sur la gueule, regarde. Voilà. Ah, merci. De ta part. Tu veux t'envoyer une deuxième ou pas? Attends. Voilà. Pourquoi cette violence à l'encontre de ce pauvre homme? Mais oui, je ne mérite pas. Bah, t'inquiète pas, si lui ne le sait pas, Toff le sait. Hein? Certainement. Mais il a raison. Bon, alors, dis-moi, Maxime, qu'est-ce qui t'amène? Ouais, bah, moi, je peux pas saquer ma belle-mère. Tu peux pas saquer ta belle-mère? Ouais, c'est bien. Ouais. Bah pourquoi? Ta belle-mère, c'est la mère de... Ouais, fatalement, la meuf de ton père. Voilà, c'est ça. Et il est avec elle depuis combien de temps? Bah, ça va faire 3 ans maintenant. Ah ouais, pourquoi tu peux pas la saquer? Bah parce que elle est conne, tout simplement. Non mais ça veut rien dire, ouais, mais c'est une belle-mère. Pourquoi? Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors déjà, qu'est-ce qu'elle a fait qui ne t'a pas plu? Combien mesure-t-elle? Quel âge elle a? Combien mesure-t-elle? Elle fait 1,65 à 60... Ouais, voilà, ouais. Et qu'est-ce combien? Quel âge elle a? Elle a 45. 45, oui, ça fait un peu beaucoup là. Non, ça va, ça reste pas top. Ah putain, t'as vieilli, ça se sent. Hein. Non, moi j'ai connu Toff à un moment, c'était au-delà de 35 ans. C'est... Non, 40, j'ai toujours. C'est trop tard. Non, c'est 40. Là, je suis monté 40. Un peu jusqu'à 45 parce que je me rends compte que les meufs s'entretiennent quand même maintenant. Ouais, la chirurgie a fait beaucoup d'efforts. Hein, c'est ça, ouais. Bon, et donc, Mickey, alors, donne-nous un exemple concret de ce qui fait que tu l'aimes pas et de ce qui fait que ça se passe pas mal. Ça se passe pas bien, pardon. Ben, ce qui fait que, en fait, parce que mon père, lui, il bosse, et donc des fois, ben, je suis avec elle, et puis quand je suis avec elle, et puis que je veux jouer à la Xbox, ou à la PS3, ou n'importe, ouais. Ben, elle arrive, elle me coupe la télé, et tout, puis moi, je suis baisé, je peux rien faire. Bah oui, mais bon, en même temps, c'est qu'une seule télé, et que c'est elle qui décide. Mais non, mais il y en a deux! Mais si elle veut regarder Amour, Gloire et Beauté, et qui est diffusée que sur cette télé-là, voilà. Bon, mais il y en a une dans ma chambre et puis une dans le salon. Bah oui, mais bon, voilà. Et toi, t'es dans quelle chambre? Toi, t'es dans le salon? Non, dans la chambre, moi. Elle est dans ma chambre, la télé. Et elle veut venir regarder la télé dans ta chambre? Voilà. Enfin, c'est pas qu'elle veut, mais c'est qu'en fait, vu que je joue en moyenne à GTA, à Black Ops et tout, bah ça fait du bruit et donc ça la fait chier. Mais attends, mais tu joues chez quelle heure? Bah, dans l'après-midi. 3h, 4h de l'après-midi. Et tu vas pas à l'école, travaille pas? Bah non, mais je suis chez mon père, c'est un week-end sur deux, donc en fait je suis avec lui que les week-ends. Ah. D'accord, bah attends, mais fais un effort, t'es là que le week-end, c'est pas grave, en plus elle a la télé le reste de la semaine. Bah oui, bah cela dit, dites-nous, tiens, si vous vous entendez bien avec vos beaux-parents, tiens, le nouveau mari de votre mère ou la nouvelle meuf de votre père, là, appelez-nous pour voir un peu comment ça se passe, et surtout si vous entendez pas avec elle, avec lui, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est votre guerre, quelle est la guerre justement, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, vous n'hésitez pas, tu restes avec nous du coup Maxime? Ouais, je reste. Bon bah très bien, bah tant mieux. T'as envie d'écouter un son en particulier ou pas? Ouais, c'est Nikita Flow. Syndicate au flow. Ah bah ouais, attends une seconde. Oui, où okay. celui-là. Attends, Syndicate au flow. Où est-ce que je l'ai foutu celui-là? Où est-ce que je l'ai mis, Syndicate au flow? Bah je l'ai perdu. Pourtant là. Non. Si si, bah une seconde. Mais je l'ai quelque. Ah, comment? Voilà. Tu rentres tout le temps là. Ouais. Non. Ça doit être la bonne ambiance avec la belle-mère. On va couper la télé. Non. Bon bah Syndicate au flow, on te le passera tout à l'heure avec Got It To Like That. Okay. Et puis on écoutera aussi le son de Jason Derulo qui arrive là. Oh putain, ça m'a donné une petite idée là, non? Ah, remix? Mais demain, c'est pas sûr pour demain. Ah, ouais, peut-être, peut-être. Ah d'accord. Ah d'accord. Ouais, on pourrait éventuellement imaginer un petit remix sur le son de Jason Derulo. Je vais réfléchir, je vais me tâter, je vais voir. Bon, reste avec nous, Maxime. On aura Pascal également qui est avec nous. Salut Pascal. Salut, ça va? Ça va bien? Ça roule. Bon, bah tant mieux. Alors Pascal, toi tu voulais réagir par rapport aux beaux-parents, c'est ça, belle-mère? Ah ben oui, moi j'ai une solution. Allez, ah bah alors bouge. Ah, c'est quoi la solution? Ah ben moi j'ai été voir ma belle-mère chez elle. Ouais. Je lui ai dit gentiment que je voulais plus avoir la maison. Elle m'a regardé d'un salaire. Après je lui ai dit écoutez-moi bien, c'est simple. Je vous pique au formol, je vous empaille, je vous mets dans l'entrée pour faire faire les huissiers. Ça fait un an et demi que j'en vois plus. Oui, c'est une idée. Hein. Oui, mais toi, la belle-mère, c'est la femme, la mère de ta femme. Voilà, exactement. Ah oui, nous on parlait des belles-mères, l'autre belle-mère. Ah ben, avec qui la tamponne et puis on n'en parle plus. Oui, oui, c'est une manière de voir les choses, effectivement. Ouais. C'est bien pour quelqu'un de 40 ans de donner des conseils comme ça, Pascal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Pascal, reste avec nous quand même deux secondes. Si vous avez vous aussi des soucis avec vos belles-mères, beaux-pères, là, appelez-nous au 01 42 48 5000 ou alors au 02 851 4x0. Vous pouvez balancer aussi vos messages. Vous envoyez M-I-K-L, espace, votre message au 64-900 pour réagir. Vous laissez votre numéro de téléphone et on vous rappelle avec plaisir. Vous restez sur Fun Radio. Je vous rappelle la petite question dans un instant également là pour repartir avec votre tablette Asus. Ce sera juste après la pub. Il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer sur Fun Radio. Vous bougez pas, on revient dans 2 secondes 12. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, no limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, on est en direct sur Fun, 20h52. Je vous rappelle la petite question dans quelques secondes. Avant ça, il y a des messages qui sont arrivés. Gabriel qui dit salut, je vous adore, vous êtes super soft-off. Est-ce que vous avez le son de New World Sound avec The Buzz? Oui, on l'a mis la semaine dernière. Bon, on va le remettre aussi ce soir, on va essayer, hein, parce que là, il y a du monde là, qui demande. Mais il était bien le New World Sound avec The Buzz. Romain qui dit salut, Mickaël, ça fait plusieurs mois que je vous écoute, vous gérez grave, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il te plaît? Bah oui. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà, et puis Romain aussi, allez, Mickaël, en plus j'ai fait un pari avec des potes que j'aurai un message de bienvenue. S'il te plaît, j'ai pas envie de perdre 50 euros. Oh, c'est dommage, cette perte de 50 euros. Ouais, ouais. Oh, zut, putain. C'est pas bien les jeux d'argent. Jamais parier, jamais parier. Surtout des conneries comme ça. Mais ouais. Voilà, c'est ça. Bon, allez. C'est bah, 50 euros. Avec ta chaîne, moi. Voilà. Et bon, tu l'as eu. C'est dommage, moi je trouve qu'il aurait pu perdre 50 euros. C'est vrai. Ouais, ouais. Chier comme il faut, moi. Voilà. Bon, allez, Romain, prochaine fois, fais attention avec les paris. Hein. Bon, avant de faire le chéri, je peux te faire coquer avec Séverine. Eh bien, nous allons donner quelques. Nous allons répéter déjà la question. Hein, donc, pour repartir avec cette magnifique tablette, la Asus MemoPad 10 qui vaut 200 euros. Elle est magnifique, vous serez livré avant le. Bah, du courant de la semaine prochaine. Hein, elle existe en blanc, en rose, en noir. Donc, il y en a pour tout le monde. Et je répète la question. Donc, alors, attention. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Si vous avez la réponse, il y a Romain qui proposait Doc Gynico. Mais non, c'est pas le Doc. Donc, vous envoyez je, J-E-U et la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 pour la Belgique. Jason de Rouleau. Ah ouais, non, c'est pas un rouleau hein, par contre. Hein. Gorillaz, non. Patrick Hernandez, Born to be Alive, non. Luis Mariano, putain, celui qui a fait Mexico. U2, non. La danse des canards, bah non, c'est pas Gigi Lionel, non. Booba non plus. Indochine non plus. Pink Floyd non plus. Frankie Vincent, voilà. Les Daft Punk non plus. Lady Gaga non plus. Pitbull non plus. John Lennon non plus. Maria Carey non plus. Mylène Farmer non plus. J'ai dit, c'est mondial, donc oubliez les Français déjà. Je peux vous donner un indice, il est mort il y a quelques petites années. Voilà. Oui. N'en dis pas plus, quelques petites années. Et il a un très très, enfin avait puisqu'il est décédé, très très beau prénom.

Magnifique expression. Moi, ouais. Je vais te faire sucer mon poing, moi, tu vas voir. J'ai trouvé ça mignon comme tout. Oui, c'est original en tout cas, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, retour dans un instant avec Maxime là qui kiffe pas sa belle-mère. Il y a Audrey dans un instant. Anaïs également qui est déjà là. Anaïs, ça va Anaïs? Oui, salut Mickaël. Ça va bien? Ouais, ça va, ça va. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Tu restes avec nous, Anaïs. Tu vas donner ton avis là dans un instant par rapport à Maxime qui kiffe pas sa belle-mère. Comme voilà. Lise, comme Audrey et bah, Corentin qu'on va prendre dans un instant. Reste avec nous, Anaïs. Bougez pas de là, vous toutes et vous tous. Vous êtes les bienvenus. C'est Fun Radio. On est ensemble jusqu'à minuit là, comme ça, tranquille, jusqu'à dimanche inclus. 20h minuit, c'est Mickaël No Limit. Et puis on a toujours la tablette Asus Memo Pad 10. Je vous reposerai la question dans quelques minutes. Bah, juste après la pub, là, dans quelques secondes là. Vous bougez pas, c'est Mickaël No Limit. On revient juste après ça. Tous les soirs sur Fun Radio. Prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun avec Antou aussi. Énorme le chéri, je peux te faire cocu là. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, qu'est-ce qu'il dit? Il était énervé le qu'est-ce qu'il dit là justement. Bon allez, je vous rappelle qu'il y a toujours bien sûr les tablettes, enfin la tablette ce soir. On en a une par jour là. Asus Memo Pad 10 à vous offrir. Il faut simplement répondre à la petite question là. Et maniez-vous, il reste une grosse demi-heure là maintenant. Une très grosse demi-heure. Qui, je répète la question exactement de la même manière. Sinon on va dire oui mais bon, t'as pas dit pareil. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Voilà. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Je vous ai donné un indice tout à l'heure. Bon, il est mort il y a quelques petites années. C'était au mois de juin d'ailleurs, il y a pas longtemps. Il y a, voilà, qu'est-ce qu'on avait dit? Il a le plus beau prénom du monde. Ah oui, il n'y a pas moyen d'avoir un plus beau prénom. Ah non, magnifique, the best of the best. Et effectivement, il était très beau gosse, jeune, et il a tout foutu par terre lui-même en fait. Et quand quelqu'un est à sa porte, ça sonne. Et... Ah, c'est drôle ça. Ça c'est drôle. Bah quoi? Ah ça bah, c'est drôle. Ah, oui. Ouais super. Ouais. Bon allez, vous envoyez tout simplement maintenant je JEU et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique. Et la tablette qui vaut 200€ et qui sera livrée chez vous la semaine prochaine hein, si vous gagnez aujourd'hui. Ce sera peut-être pour vous Asus Memo Pad 10, il y a en rose, il y a en blanc et il y a en noir. Les trois couleurs, je choisirai celle que vous voulez hein, si sous réserve de stock, mais normalement il n'y a pas de problème. Et bonne chance tout le monde. Allez, ah bah il y a des réponses, tiens, on proposait Nirvana, Kurt Cobain. Bah non, non, non, non. Bing Crosby. Non. Bob Dylan, Europe avec The Final Countdown. Par pitié, mais non, mais pas du tout. La réponse c'est Renaud non plus, George Michael non plus, Frank Michael non plus. Quoi? Eagles? Tu connais non, les Eagles, ah ouais, Eagles, non, ouais. Hotel California. Note ça aurait pu, mais c'est pas ça. Et il y en a qui proposaient Frank Michael et etc, etc. De nouveau, c'est mondial, hein, donc quelle chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Ça peut pas être un français, donc voilà, comme ça vous donne un indice. Je peux vous donner un autre indice, il est américain. Enfin, il était, puisque maintenant il est décédé. Grégory Le Marchal. Oh là là. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est pas français, là. Allez, bonne chance tout le monde. Vous envoyez jeu et la réponse au 64 900. Et puis on se fait péter le son de Jason Derulo maintenant avec Snoop Dogg. C'est Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah. Damn, baby, you got a bright future behind you. 20h minuit. Mickaël. Mickaël, No Limit. Bon allez, restez sur Fun Radio, 21h18, on est en direct tranquille avec les appels malveillants qui arrivent ici un petit quart d'heure. Marie qui dit j'ai eu mon brevet avec mention bien donc je peux avoir un message de bienvenue, je vous adore. Ah bah ouais, bah bien sûr, attends, mention bien c'est pas mal. C'est quand même bien. C'est pas mal. Bah attends, mention bien c'est quand même génial. Plutôt... Bah c'est quand même plutôt bien là. Attends, je vais mettre un petit message. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà, ben bravo à toi, Marie, en tout cas. Angélique aussi, première fois que je t'écoute, j'ai bien rigolé avec ton émission, je peux te faire cocu. Ça fait du bien de rire après le boulot, merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi d'écouter, même si c'est la première fois, t'es la bienvenue, Angélique, là. Dis-nous aussi ce que tu fais comme taf, Angélique. Je te fais des gros bisous, en tout cas, et puis bienvenue aussi à tous ceux qui écoutent tous les soirs. Hein. Bonsoir à vous, et puis bienvenue à tous les auditeurs qui débarquent, peut-être pour la première fois, vu que de toute façon, il n'y a rien d'autre à écouter ailleurs, hein, forcément. Faut bien se contenter de ce qu'on a. Et oui, je suis désolé, on a Toff dans l'équipe. Ouais. C'est notre quota qu'on n'a pas vraiment choisi. On fait avec ce qu'on a. C'est ça, c'était pour les primes. C'est pour économiser un petit peu les impôts, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, ils rentrent dans le truc handicapé, donc on a des primes. Cotorep, hein, Cotorep. Ouais, voilà, ouais, exactement, c'est ça, tout simplement. Bon, Maxime, le retour, t'es là, Maxime? Ouais, je suis là. Très bien, on fera le jeu, je t'emmerde aussi, hein, ce magnifique et grand jeu que nous faisons d'habitude quand on fait 23h-2h à 23h40. Là, on va le faire un peu en avance, évidemment. Il y a Audrey qui voulait réagir, Maxime nous avait appelé parce qu'il kiffe pas sa belle-mère. Et Audrey qui est avec nous également des Hauts-de-Savoie. Salut Audrey. Salut Marie. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va bien, Audrey. Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone, Audrey? Non, en fait, c'est juste que je la vois un petit peu cassée, donc... Ah, t'as fait des feuilles de ton... Ah, t'as dormi cul nu? C'est ça? On va pas dire ça comme ça, mais... Mais pas loin. Ouais, tu as dormi cul nu et c'est pas bien. Il ne faut pas dormir cul nu, Audrey. Regarde, après, t'as... Oh, non, mais c'est vrai, après, t'as plus de voix, Audrey. Regarde, la preuve. C'est pas par rapport à ça. Bah oui, c'est par rapport à quoi, alors? Parce que j'ai trop crié le week-end. Tout ça. Ah oui, bah c'est ce que je disais. T'as dormi cul nu et bon, ton mec t'a fait crier. Bon, c'est la doublette quoi. C'est encore pire que tout. Enfin bon. Bon, Audrey, quel est le problème avec ta belle-mère, toi? Non, moi c'était plutôt avec mon beau-père. Ah, beau-père, oui. Ouais, parce qu'en fait, mon beau-père, en fait, il ne supporte pas nous, les enfants à ma mère. Et donc, j'ai déjà invité à mon ex à la maison parce que on était en famille. Et mon ex, il a vu, en fait, mon beau-père, il avait fait un gâteau, de toute façon. Ouais. Il a mis un ingrédient qu'il fallait pas. Mm-hmm. Donc mon ex, il a dit, mais écoutez, monsieur, excusez-moi, ça on peut pas mettre. Mais quoi, genre un ingrédient dont il était allergique? Dont ma mère était allergique. Ah d'accord, ah oui, putain, enculé quoi. Et ouais, et mon ex, il a essayé de lui faire comprendre, ça finit en baston, c'était juste incroyable quoi. Ah bon, mais pourquoi il était con à ce point-là, ton beau-père? Bon, parce que soi-disant, pour lui, c'était un ingrédient normal. Allergique ou pas allergique, c'était pas un problème. Mais, et le plus grande question, c'est qu'est-ce que ta mère fait avec ça? Oui, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire que le mec, non, il sait qu'elle est allergique. Avec. Ah, elle est plus aujourd'hui. Ah, bon, d'accord. Bah heureusement. Ah, oui, mais tu sais, c'est comme bah, parfois on fait des canulars avec des chéris, je peux te faire cocu. Et quand on voit parfois les réactions des mecs, ah, ouais. Parfois, tu sais, après il y en a qui s'énervent. Et puis après, une fois qu'ils savent que c'est une connerie, tu vois, ils rigolent. Voilà, la pression descend. Et puis après, ils deviennent cool. Mais il y en a, ils comprennent pas. Ah, et ouais. Ils vont jusqu'au bout. Et ils en ont rien à foutre. Ah, et là, tu dis, mais putain, la pauvre fille, quoi. Et le pire, c'est le dernier. Ah, ou alors, il comprend, il sait que c'est un canular. Mais le mais mec, il s'en fout quand même. Il bombarde quand même, ouais. Ça c'est triste ouais. Mais bon. Et donc du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Maxime qui kiffe pas sa belle-mère parce qu'apparemment il lui pourrit la vie alors que il ne se voit qu'une fois tous les 15 jours, un week-end. Bah tu vois franchement qui tient bon parce que ce que j'ai vécu, je pense que. Ouais, mais là on n'en est pas là. Attends, l'autre il mettait des trucs, ta mère est allergique, il cuisinait un truc exprès avec un truc allergique dedans. Attends, il est con lui. Alors que là, non, lui, non, bon, Maxime, c'est jamais que dès qu'il joue trop à la console, elle va lui éteindre à la limite comme n'importe quelle mère sensée. J'ai envie de dire. Est-ce qu'elle a des enfants aussi tout, ou pas, ta belle-mère, Maxime? Ouais, elle en a une. Enfin, elle a une fille, mais elle a 20 ans, donc elle est plus à la maison. Ah ouais, d'accord. Tu la kiffes ou pas? Non, elle est moche. Ah, elle est moche. Bon, bah comme ça, au moins. Quoi, c'est la sœur de Toff? Elle tient de sa mère, quoi. C'est la Maxime. C'est la sœur cachée de Toff. Voilà, c'est ça, à mon avis, ouais. Ils doivent être cousins par alliance ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, il doit y avoir de ça, ouais. Enfin, non, la sœur, non, mais la fille cachée de Toff. La fille, voilà, parce que la sœur de Toff est super gentille et en plus elle est belle. Oui, mais surtout elle va se marier, donc de toute façon, ouais. Il arrive, voilà. Ouais, c'est fini, elle est casée. Ah, définitivement. Ouais. Terminé. Ah, moi j'ai surtout hâte de voir Toff en costume. Bah, est-ce qu'elle a choisi un costume? Parce que j'ai été dans un mariage un jour et on m'avait le thème du mariage, il fallait avoir un costume avec une. Comment on appelle ça? Une queue de pie. Une queue de pie. Wow, c'était. Bon, il fallait. Oh voir, putain, quoi. Mais qu'est-ce bah, que alors, ça va être Toff, bon, ça. Est-ce que le mariage de ta sœur, il y a un costume oui. particulier? Oui, c'est la Vallière. C'est la Vallière? Mais pour tout le monde? Ah oui, pour tout le monde. Ah merde, je savais, moi j'avais piscine ce jour-là. Mais attends, mais on va mettre une photo, j'ai une photo du costume. Mais putain, mais c'est pas possible, mais quelle merde! Eh, on est invité, Bah oui, t'es invité! Ah, mais c'est quand? Bah le 20 en août. C'est en août le 21 ou le 22, je sais mais pas. Mais je peux venir en t-shirt ou je peux bien sûr, attends, nous on vient en short et en tong, hein, nous, alors à la foutre avec Follow. Ouais. Hein. Ouais, je suis sûr que ma soeur elle va kiffer. Oh, ta soeur elle pourrait rire, ta mère moins. Mais... Ah, alors ma mère, je pense que. Mais les gens qu'elle peut aller, ma mère elle peut aller vous chercher elle-même un costume. Ah ouais. Et bien vous allez mettre ça, voilà. Bon, la mère de Toff qu'on l'embrasse, bien entendu, qui est très gentille. Ouais. Bon, alors Audrey, attends, reste avec nous, il y a Anaïs fan aussi, de Georges d'ailleurs, je tenais à le dire. Qui est fan de Georges? Oui, ma mère est fan de Georges. On peut lui présenter si elle veut. Je crois pas. C'est dommage. Bon, Anaïs de Lille, ça va Anaïs? Oui, ça va et toi, Mickaël? Bah écoute, très bien, Naïs, hein, impeccable, tout va bien. Comment ça va à Lille? Il pleut la drache, c'est un temps de merde. Ah, tu dis drache aussi? Ouais, ouais. Ah, moi je pensais qu'il y avait qu'en Belgique on disait drache. Non, on dit aussi dans le Nord. Ouais, mais c'est pareil, c'est le Nord, bah non, c'est la Belgique. Bah non, le Nord, c'est la France, espèce de Mongole. Bah non, bah, le Nord, c'est la quoi. France. Bah alors Paris, c'est la Belgique aussi, non, le Nord. Non, monsieur, Paris, c'est un pays ouais, à lui tout ça, seul. N'importe c'est quoi. C'est la capitale du monde. C'est la capitale de rien du tout. Ouais. Atof. Bon, ouais. Allez, bon, Anaïs, alors, bah oui, bah il pleut comme un peu partout, hein, de toute façon. Hein, t'inquiète pas, ici aussi, il a flotté toute la journée. Okay. Bon, alors Anaïs, qu'est-ce qu'il y a avec tes beaux-parents, toi? Non, moi, c'est avec ma belle-mère, en fait. Ça fait 9 ans qu'elle me pourrit la vie. Et maintenant, voilà, j'ai 20 ans, je suis grande. Mais je rêve plusieurs fois, en fait, que j'ai envie de la brûler. C'est un peu violent. C'est un peu... C'est-à-dire qu'il y a... Là, c'est violent, quand même, là. Bah ouais, en tu fait, rêves de brûler ta... Tu rêves de la brûler? Ouais, je lui cours avec un briquet, tu sais, puis j'essaie de l'attraper pour la brûler, en fait. Ah mais t'es pas violente du tout, toi, comme meuf. Non, toi, t'as l'air bien comme meuf, t'as l'air sympa et tout, t'as l'air gentil. Eh, hey, tu me donneras tes coordonnées en antenne pour que jamais je ne sorte avec toi ou je n'ai une relation avec toi. Au cas où, au cas où. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait pour voir cette envie Bah, c'est quelqu'un qui, en fait, est très jeune par rapport à mon père. Oui. Parce qu'elle a 28, 29 ans, je crois, et lui, il en a 53 déjà. Bah, ton père, il se met bien, attends, tu peux pas lui reprocher ça, hein. Non, pas du tout, parce que c'est un vrai ton. Elle ressemble à rien, c'est un déchet. Hein. Ah donc, bon, d'accord, ok. Est-ce, ouais, que mais... père, est-ce que ton père a de l'oseille? Non. Ah, il est poché et endetté, il doit des soins tout le monde, alors... Elle le sait pas. Comment? Parce qu'il faudrait peut-être lui dire, hein. Faudrait lui dire de quoi? Ah bah, qu'il est endetté. Elle croit qu'il est blindé ou elle sait qu'il est pas sur l'heure? Non, ils se sont mariés, tout ça, donc... Bah, au moins, tu vois qu'elle est mariée parce qu'ils sont amoureux. Puisqu'elle a rien à gagner dans l'histoire. Ah non, mais moi, je m'en fous qu'ils soient amoureux, mais c'est parce que, voilà, après, les conséquences ont fait qu'en fait, elle a toujours voulu nous éloigner de mon père, en fait, avec ses frères, parce qu'elle a préféré faire des enfants à elle, en fait, et puis, bah, en gros, nous, on n'existe pas, quoi. En gros, elle a fait une vie avec lui, et nous, ciao, quoi. Mais ça, c'est le problème des familles recomposées, en général. Ça dépend. Moi, par exemple, j'ai de la chance, quoi. Ma belle-mère s'entend hyper. Je m'entends très bien avec elle. S'entend très hyper bien avec mon, avec ma mère. Ma mère s'entend hyper bien. Mon père s'entend hyper bien avec mon beau-père. Enfin, voilà, on va bouffer et tout. C'est, y a pas de problème, tu vois. Oui, mais ça peut arriver. Mais en règle générale, ouais, c'est mais rare. La majorité du temps, c'est ça se tire de partout. Et hey, tu diras à ton père, ça a enculé, que ça pousse là, hein, avec sa connasse de femme à qui il donne tout là. Alors que moi, j'ai toujours voulu une bague et hop, elle vient à peine d'arriver. Déjà, elle a un gros bijou, elle a un diamant. Ah oui. Bah ouais, après. Oh là là, quelle horreur. Bah c'est ça, ouais. Bon, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Anaïs, à Maxime? Attention, il a 13 ans, Anaïs. Donc tu évites de lui dire de la tuer, de la brûler, ah bah. de lui enlever des membres, etc. Hein. Moi je lui recommande l'acide, c'est pas mal. Donc tranquille. Non mais justement, voilà, je voudrais lui conseiller en fait qu'il se batte pour garder sa place. Au sens figuré, hein, va pas la taper. Bien sûr. Non mais voilà, je voudrais qu'il garde sa place au niveau de sa famille par rapport à son père, parce que moi justement je me suis effacée et je regrette parce que. Enfin voilà, j'ai voulu couper les points avec mon père et pour en finir, je me rends compte que c'est pire que mieux. Elle profite encore plus de la situation. Attends. Est-ce que ton père, il est pas aussi, il a un cerveau, donc il peut, t'es sa fille, il doit t'aimer un peu quand même. Il peut pas non plus te, tu vois, s'il est pas. Enfin, je comprends pas le délire, moi. Bah ouais, mais justement, Et bah tu t'en fous, zappe-moi ça, allez. Bah voilà, zappe ça, allez. Vis ta vie, sois heureuse. Ouais, non, mais de toute façon, je zappe, hein, ça y est, c'est voilà. Fini maintenant. Bah, voilà. C'est très bien, alors, heureusement. Bon, en tout cas, Anaïs, on t'aime beaucoup, sache que t'es la plus belle du monde et qu'on sait jamais, parce que l'autre, elle est pyromane, donc. Voilà. NC4, on va se croiser. Elle va brûler teuf. Elle va nous cramer. Ah, peut-être NC4, hein, parce que je vais devenir animatrice radio normalement, donc. Ah, où ça? Sur une radio ou une web radio? Non, une radio associative, et puis après, par la suite, en fait, je connais des gens d'une autre radio, mais je sais pas si je peux dire le nom. Bon, on s'en fout, le jour où t'animeras dessus, tu pourras dire, mais là, c'est rien. Bah, passe nous voir, l'occasion. Ouais, voilà. Bah, tu seras la bienvenue, passes nous voir un de ces quatre. Préviens-nous à l'avance qu'on prenne des extincteurs dans le studio. Sait-on jamais, hein? Ouais, ok. Mieux vaut être safe. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. Bah, merci Anaïs et merci Audrey. Ok, hein. Gros bisous. Gros bisous, les filles, à bientôt. Gros bisous, ciao. Et il y a Lise avec nous également, là, de Dinan. Salut Lise. Salut. Non, ça va bien? Oui, ça va. Bon, apparemment, on dit dracher aussi en Normandie. Ah, bah, je savais pas, possible. Ryan. Bah, voilà, bah, merci. Comme quoi, il y a qu'à Paris qu'on le dit pas, quoi. Bah, finalement, ouais, mais en c'est fait, normal, c'est ça. Capitale du monde, mec. Donc, maintenant, je pourrais enfin ressortir les expressions que je sortais quand j'étais petit. Putain, il drache. Mais on peut pas parler comme des Mongols comme ça, tu vois. Mais arrête, mais y a que toi qui parles pas comme mais ça, il là. Il pleut, pourquoi tu dis pas il pleut? Et toi, quand tu dis, quand je dis, putain, il y a. Donc je dis, t'as vu s'il y avait quelqu'un dans la salle là? Ah non, il y a son père. Mais et tu peux pas parler normalement aussi, au lieu de parler comme un bouffon. Ouais, mais c'est la langue de Paris. Ouah, c'est Paris, la banlieue, Taras, donc c'est une vraie langue. Bon, Molière avait vécu à notre époque, il parlerait comme ça. Exactement. Wesh, ma gueule en place. Bon, alors Lise, bienvenue à toi Lise, oui. Comment tu vas? Ça va, ça va. Bon, bah tant mieux, alors impeccable. Lise, tu veux donner ton avis aussi par rapport à Maxime? Bah en fait, c'est pas trop ma vie, c'est parce qu'en fait... à propos de mon beau-père, ouais. Avant, chaque fois que ma mère était là, et ben, il était super sympa et tout, avec moi et avec ma mère. Et chaque fois, elle n'était plus là, quand on était tout seul ou quand ma mère devait aller travailler et que je devais aller avec lui, et ben, en fait, chaque fois quand on était que tous les deux avec quelqu'un d'autre, et ben, il n'était pas sympa avec moi, oh, il ne faisait pas. Il rigolait pas, il se faisait chier. Alors un jour, je pense que c'est la dernière fois que ma mère l'a vu, il me faisait tellement chier de faire chier comme ça à ma mère, et ben j'ai couru après dans les escaliers, je lui ai foutu un coup de pied dans les parties. Ah oui, ah après oui, il est plus revenu, mais t'es un peu violente aussi toi, si on avait su, on t'aurait présenté Anaïs. Elle est déjà partie malheureusement. Et... Bon bah, et depuis, ta mère en est débarrassée? Oui, oui, il est mort, il est tombé dans l'escalier. Voilà, je suis en prison là. Voilà, c'est ça. Là, je vous ai créé de la prison. Hein, je suis actuellement en prison. D'accord, ok, très bien. Bon, depuis donc, elle est effectivement, elle est tranquille là maintenant. Oui, voilà. Mais en fait, et des fois, en fait, ce qu'il faisait, c'est que, en fait, chaque fois quand il était en dispute avec ma mère, et ben en fait, elle voulait partir. Mais lui, en fait, chaque fois, il disait oui, mais je vais changer. Ouais, mais pas, mais un connard, reste un connard. Regarde oui, toi. Voilà, et alors il se mettait dans le coin. Il disait allez, viens. Mais ma mère était bloquée dans le coin. Et alors moi je restais près de ma mère s'il y avait un truc quoi, parce que j'avais pas peur d'appeler la police, il commençait à la harceler et tout parce qu'elle savait déjà. Donc en fait voilà. Et alors moi quand ma mère devait partir, et ben on aurait dit qu'il empêchait à cause de ça, ben des fois elle piquait un des câbles et tout. Bah oui, tu m'étonnes, l'autre il était complètement un barré. Un jour elle a carrément elle en pouvait plus, donc elle a pris carrément. Je sais pas comment ça s'appelle, un granit, un truc comme ça, un genre de verre. Ah oui, un verre. Granit, voilà, elle a carrément tapé par terre, tellement qu'elle avait ras le cul. Oh là là, c'était bonne ambiance. Elle t'a bien fait de lui mettre un petit coup dans les couilles, tiens, comment il s'est barré là comme ça. Oui, bah. Voilà. Et bah, merci beaucoup, Lise, en tout cas, d'avoir appelé, hein. De rien. Bon, je te fais des gros bisous, Lise. À bientôt, à Dinan. Ciao, ciao. Et puis, Maxime, bon, ben voilà, t'as eu plusieurs avis maintenant. Ouais. Je pense que la meilleure solution, vu que tu la vois qu'une fois tous les 15 jours, c'est prends sur toi. Ouais. Et puis voilà, tu vas voir ton père, ouais, tu t'en branles de ta belle-mère, et puis basta. C'est ce que je fais. Bah voilà, bah t'as bien raison en tout cas. Bah merci d'avoir appelé en tout cas, Maxime. Hein. Tu reviens quand tu veux. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. Salut! Ciao à toi Maxime, on va se faire le jeu du je t'emmerde aussi dans quelques minutes, là vous restez bien avec nous. Célia qui dit bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, et ben on embrasse tout le monde et puis les anciens aussi, on vous oublie pas bien sûr. Il y a les appels malveillants qui arrivent là juste après Black M avec Sur ma route, ça me paraît pas mal. Mais oui. Et puis je vous rappellerai la question pour repartir avec la tablette qu'on vous offre ce soir sur Fun Radio, la tablette Asus Memo Pad 10 juste après Black M sur ma route sur Fun, bienvenue tout le monde. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Le son de Black M sur Fun, sur ma route, 21h35, Jeanne Françoise qui dit je suis en retard là. Tout ça c'est la faute de Toff, mettez-lui une baffe avec plaisir. Voilà. Hop là. J'ai mérité, c'est tout. Non, rien. C'est Lia qui dit bienvenue à tous les nouveaux auditeurs. Mais je l'avais déjà lu. Angélique qui dit merci beaucoup, je suis assistante dentaire. Ah, bah tu peux venir. Hein, parce qu'on... Il y a Polo qui est hyper ouf avec ses dents. Il a quelques petits problèmes dentaires. J'ai pas de problème. Mais si, parce que tu passes ta vie chez le dentiste. Mais non, mais parce que bah il faut faire des détartrages. Ouais, mais tous les deux jours, mec, ça fait un retien fou là quand même. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Alan aussi, salut, j'ai eu mon brevet, je vous écoute tous les soirs, vous êtes super. Serait-il possible d'avoir un message de bienvenue? Bien sûr, message de bienvenue sans problème. Tu as demandé, tu es servi. Eh ben, je vais baiser avec ta chienne, moi. Eh ben voilà, tout simplement. Eh ben, écoute, amuse-toi bien, c'est le principal. Bon, on remet également là, je vous remets la question là pour repartir avec votre tablette, la Memo Pad 10 de chez Asus qui vaut 200 euros. Si vous la gagnez aujourd'hui, vous serez livré la semaine prochaine. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Si vous avez la réponse, vous envoyez JEU, espace votre réponse au 64 900 et vous envoyez votre réponse et vous êtes tiré au sort dans moins de 30 minutes. On proposait Stromae. Non, j'ai dit que c'était Américain qui est mort depuis quelques petites années, qui était très beau avant et qui s'est enlaidi parce qu'il a fait des conneries. Au fur et à mesure. Grosso modo, hein, un petit peu, c'est un petit peu ça. Et il a le plus beau prénom du monde, voilà. C'est René Lataupe. Elvis Presley, hein, comme presser du lait. Non, là, là. Phare Williams. Non, ce n'est pas un phare, monsieur Williams. Kuhn, qui a certainement dû écrire Queen, mais c'est pas ça non plus. Les Doors, non. Psy, non plus. Bobby Womack, non plus. DJ Bobo, non plus. Voilà. Alors, je vous mets un indice sonore, puisque c'est la dernière fois qu'on, l'avant-dernière fois qu'on pose la question, là. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Voilà. Voilà. Je le remets. T'exagères. Non. Attends. Bon, bah alors quoi. Bon, vas-y. Ah merde, attends. Voilà. Bon, vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. J-E-U est la réponse au 64-900. Donc, de quel, quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Et quand un autre indice, le morceau le plus connu de cet album, c'est ça. D'ailleurs, c'est le même nom, hein. Écoutez bien. Voilà, donc ce n'est pas la porte et ça n'a rien à voir avec les Doors, bien entendu. Bon, allez hop, bonne chance tout le monde. On tire au sort avant 22h. Donc, si vous voulez tenter votre chance, allez-y. Qui plus est, on est pendant les grandes vacances, donc il y a évidemment moins d'auditeurs que pendant l'année. Donc, si vous avez la bonne réponse, vous avez évidemment peut-être vos chances. Bon, on y va, Tof, on appelle les appels, appels malveillants maintenant, là, grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof. Et grâce à un auditeur également qu'on a eu hier qui nous a dit qu'apparemment, pété était bon pour la santé. Oui. Donc, on va vérifier ça maintenant en appelant des gens. C'est parti, on y va. Pour voir si ça pète. Exactement. 21h38, on appelle maintenant. Allez, on va voir si ça a pété ou pas. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui? Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de fois vous pétez par jour? Et vous, combien de fois vous faites le con la nuit? Ça vous dérange pas de faire chier les gens? Mais je fais pas chier les gens, madame, je vous pose juste une question. Eh ben voilà, donc c'est parfait, il a raccroché. On rappelle, hein? Ah bah oui. Bah oui. Allez, c'est parti, on y va. Allô? Oui, je m'excuse madame, mais on a été coupé, vous avez pas répondu à ma question. Non, mais ça vous regarde pas, comme je pète de fois par nuit, ça vous dérange pas, vous êtes un peu fêlé. Vous voulez que je vous fasse poursuivre? Mais vous voulez faire poursuivre? Vous voulez que je demande à la police, vous savez que je peux demander à la police? Et qu'ils vous retrouvent de suite avec votre numéro de téléphone. Ah, mais je peux alors ne nous emmerdez pas, d'accord? Mais je peux vous donner mon numéro, madame? Si vous ne savez pas que faire, allez faire chier qui vous voulez, mais vous nous laissez tranquille. Mais oui, mais je voilà. Vous laisse tranquille, madame, mais vous alors, répondez pas allez, à ma question. Allez péter un coup, si vous voulez, si ça vous dérange pas. Vous pouvez péter, vous emmerdez pas les autres. Mais je vous emmerde pas, madame, je vous pose une question, c'est vous. Vous faites chier. Mais voilà, moi je vous le dis carrément. Ça vous dérange pas d'emmerder les gens? Mais je vous emmerde pas, je veux juste savoir combien de fois vous pétez par jour. Vous faites chier, voilà. Mais non! Mais si, si, si, là, tu l'as fait chier, là. Je pense que c'est clair. Attends, on va quand même la rappeler encore un coup, là, attends. Voilà. Moi qui suis si gentil. Tu lui parles. Casse-couille, oui. Oh non. Alors, si vous avez des couilles, vous allez me donner votre numéro de téléphone. Bien sûr. Alors, c'est le 01. Attendez, oui, bien sûr, vous n'allez pas me donner le bon. Ah, si, et si. Et je vais porter plainte, vous allez voir. D'accord. Vous allez moins emmerder les gens. Mais... hein, à 1h du matin. Oui. Ça vous plaît de faire chier les gens à 1h du matin? Mais je vous fais pas chier, madame. Je vous appelle, je vous pose une question. C'est vous qui êtes désagréable, qui répondez pas. Vous mais auriez monsieur, répondu... monsieur, vous croyez que c'est normal de raconter des conneries, de poser des questions aussi cons? Mais c'est aussi pas... nul, vous croyez qu'on a que ça à faire? Non mais vous êtes vraiment fêlés, allez vous faire soigner. Mais pas du vous tout. Vous avez un grain, monsieur, moi je vous le mais dis. Mais non. Allez vous faire soigner. Mais pas du hein tout. Vous avez besoin d'être interné, hein. Alors, de toute façon je vais porter plainte, hein. Je d'accord. Vais relever les je vais relever oui. Là, quelle heure il a... Allô. Ah oui merde, raccrochez par contre. Bah, elle va relever le compteur. Peut-être, bah, je sais pas. En tout cas, elle va relever quelque chose, c'est une chose certaine. En espérant que Tof aille en prison une bonne fois pour toutes. Peut-être, peut-être. Bon, appel malveillant qui reviennent dans moins d'une heure, donc vous restez bien là. Laurine qui dit, c'est quoi qu'il faut mettre avant le message pour la tablette? Bah, il faut mettre jeu, hein, pas plus compliqué que ça. J-E-U, espace la réponse au 64-900. Je répète la question du coup en speed là maintenant, de quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Voilà, Laurine, bonne chance à toi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme message aussi? Ben, il y a plein qui sont arrivés là sur le Twitter notamment de l'émission, là, et puis par SMS également. Avant toute chose, il y a David et Thomas qui sont avec nous là. Salut David, salut Thomas. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, ça on va faire le jeu du je t'emmerde dans quelques minutes. Ouais. Ah, très bien. Bon, on peut même le commencer à la limite maintenant, tiens, comme ça on est tranquille. Hop là. Le jeu du je t'emmerde, David, donc t'appelles de Sarcelles, Thomas t'appelles de des deux Sèvres, c'est ça? Ouais, ça bon, Bordeaux. Le principe est simple, on va donc enfin vous allez chacun à votre tour appeler quelqu'un au hasard, d'accord? Ouais. On ne sait pas chez qui on appelle, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et le but, arriver à placer un maximum de « je t'emmerde » ou de « je t'emmerde » dans la phrase. Phrase, évidemment, et conversation la plus logique, dialogue le plus naturel possible. Hors de question, bien sûr, de placer des « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde » les uns derrière les autres. On ne les comptabilisera pas, bien entendu. Et il n'est pas question non plus de dire « je vous emmerde, vous emmerdez ». Bon, tout ça, ça ne compte pas, bien entendu. D'accord ? D'accord. Bon, d'accord. Alors, qui veut commencer, David ou Thomas ? Thomas. Thomas, eh ben écoute, on va commencer par toi, David, du coup. Hein. C'est parti. Ah, si. On y va, David de Sarcelles. On appelle le premier. T'as bien compris le principe ? J'ai compris. Allez, dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, tu dis bien allô et puis ça démarre. Vas-y, bonne chance à toi. Tu auras syndiqué ton flow, du coup, à suivre. On l'avait demandé tout à l'heure. Hein. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour madame. En fait, j'ai reçu une lettre de votre part en me disant, je vais vous la lire. Alors, il y a écrit, monsieur David, je vous emmerde. Vous m'entendez, vous appelez qui là ? Comment ? Vous appelez quel numéro là ? Bah, je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre où il y a écrit, je t'emmerde. Qui est la personne qui vous a envoyé cette lettre ? Je ne comprends pas très bien. Bah, c'est vous, et il y a écrit, je t'emmerde. Non, je ne pense pas que ce soit moi, je suis... Bah, c'est bien madame Caroline ou ah, non, je t'emmerde. Vous vous trompez de numéro. C'est pas ça ? Non, je suis désolée, vous vous trompez de numéro. Et c'est pas vous qui avez envoyé la lettre avec écrit, je t'emmerde ? Je ne pense pas, non madame, je suis désolée. Madame. C'est monsieur déjà. c'est pas vous qui avez écrit non, je suis désolée, la lettre avec écrit, je t'emmerde ? Non, je suis désolée, c'est pas moi. Et vous savez pas qui a écrit je t'emmerde ? Non, je suis navrée, monsieur, je pense que vous vous trompez de numéro. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit je t'emmerde chez vous ? Non, je ne pense pas, monsieur, je suis et patiente, navrée, hein. Mais je ne pense pas que ce soit moi. Ah, voilà. Ben, donc je pense que vous n'avez pas le bon numéro. Si vous avez quelqu'un qui a écrit je t'emmerde de chez vous... Non, monsieur, je suis désolée, il n'y a personne chez moi qui peut écrire ça, il n'y a que moi, donc je suis désolée, monsieur, vous vous êtes trompé de numéro. C'est pas vous qui avez écrit je t'emmerde ? Non, monsieur, vous vous êtes trompé de numéro, je vous l'ai déjà dit. Ah, bah, ah, bah voilà. Elle a raccroché, c'est très bien. Mal. Ça nous a fait combien ça hein 10 10, pas mal pour un premier appel. Thomas ? Ouais. Allez, à ton tour. Bon, faut faire mieux que 10 hein, idéalement. C'est parti, on y va, on appelle maintenant là, Thomas. Allez, hop là. Bonne chance à toi, mieux que 10 donc. Allez, c'est parti. Dès qu'il y a plus de son, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Hein. Ok. Allô ? Merde, c'est un fax. Putain, mais qui a un fax encore aujourd'hui, quoi ? Bon, attends, on en appelle un autre. Putain, qui a encore un fax à la maison, là ? C'est merde, alors. Allez, on rappelle quelqu'un d'autre, Thomas, vas-y. C'est parti. Pourquoi ça veut pas sonner sur la ligne 4, là ? C'est bizarre. Bon, attends, on appelle une autre, vas-y. Voilà. Allez. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Je suis nouveau dans le quartier et c'était pour vous prévenir qu'il y avait des jeunes qui étaient en train de taguer. Et pour l'instant, ils ont tagué sur ma voiture, ils ont mis « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Et sur la maison des voisins, ils ont mis « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Donc c'était pour vous prévenir si vous voyez quelqu'un qui tague sur votre maison en mettant « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde », faut appeler les gendarmes. Et vous habitez où dans le quartier ? Je dois être pas loin parce que j'ai été chercher votre numéro sur l'annuaire. Et parce que dès que j'ai eu ça, plein de je t'emmerde partout, ça fout les boules là. Ah oui, moi, je pense que c'est une blague surtout, non ? Ah non, pas du tout. Vous habitez quelle rue ? Vous verrez. Ouais, vous habitez quelle rue ? Mais je sais pas, je suis tout nouveau, je sais plus. Vous prenez vraiment pour une conne. Puis là, je suis complètement en train de stresser parce qu'il est parti, il est parti, t'emballe pas. Combien d'offres ? 11. 11, oh là là, un de plus que David. Il a dit beaucoup de fois à la suite. Ouais, non, mais là, d'accord, ok. Non, mais je t'expliquerai les règles juste après. Ne bouge pas de là. Bon, en tout cas, vous allez faire le battle juste après. Vous bougez pas là. On va revenir avec Cindy Keto Flo sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. Nickel, et on fera le cas d'une heure aussi tout à l'heure, hein, dans moins d'une heure. Restez là, il y a Angélique qui dit si vous voulez, je peux vous donner plein de conseils pour une bonne dentition, mais il faut venir me voir en Mayenne. Dans le 53, c'est sûr, ça fait de la route. Ouais, mais c'est pas grave, hein, si Polo peut avoir un petit nettoyage, un petit détartrage gratuit. Ah ouais, moi je me déplace. Voilà, aucun problème, l'assistante dentaire avec plaisir, Angélique. Bah, merci pour l'invitation. Oui, à la limite, bah voilà, Angélique, tiens, moi j'étais chez le dentiste. Je suis allé quand? Il y a vendredi, vendredi. Hein, quoi? Non, j'allais dire il y a pas longtemps. Oui, vendredi, j'y suis allé. Donc, j'ai une petite normale, quoi, visite normale. Il y a eu effectivement un tout petit détartrage parce qu'il n'y a pas grand chose. Et depuis, j'ai la troisième dent en bas. Toujours à gauche, bâtard, ouais. Qui est hyper sensible. Alors, je peux boire, manger, ce qui n'y a pas de problème. Mais dès que je me brosse les dents, j'ai l'impression de toucher le nerf. C'est parce qu'en ça fait un mal, vois, de chien, sa mère la chienne. À la gencive, il a dû te le décoller et en fait, il a dû enlever du tartre là. Moi, ça m'a fait ça aussi. Et ah, en fait là c'est super sensible de... Enfin c'est... ça l'est plus, mais au départ ça va rester comme ça pendant une semaine ou deux. Ah ouais, donc voilà, donc Angélique, si jamais t'as des conseils à donner, bah n'hésite pas surtout. Hein. Non, j'aurais bien voulu être dentiste. Ah bah ouais. Alan également, j'ai eu mon brevet, je vous écoute tous les soirs, vous êtes super. Serait-il possible d'avoir un message de bienvenue et bonne soirée? Bah bien sûr, en plus t'as eu ton brevet, bah bravo à toi ma gueule. Attends, je vais t'en mettre un, je le remets là. Hop là. Fils de putain là. Voilà. Tu me casses les couilles là. Eh ouais, tu me casses les couilles là. Fils de putain. Bon, allez, on répète encore une dernière fois la question, puisque là, maintenant, c'est la dernière ligne droite. À 22h, juste après bah, le jeu du je t'emmerde, on tire au sort pour savoir lequel d'entre vous repartira avec la tablette Asus MemoPad 10. Il y en a une blanche, il y en a une noire, il y en a une rose. Vous choisirez la couleur que vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour ça, il faut répondre à la question que je pose depuis tout à l'heure. Attention, de quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Si vous avez la bonne réponse, il a le plus beau prénom du monde. Il est décédé il y a quelques petites années. C'était il y a 5 ans, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il était beau gosse avant, mais bon, il a fait de la merde et du coup, bah, il est plus beau gosse aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il est vraiment plus beau gosse, mais enfin, avant qu'il meure, il était plus très très beau gosse, quoi. Qu'est-ce que. Il est 5 frères et sœurs. Un indice sonore, peut-être, Tof? Bien sûr. Bien sûr. Allez hop, c'est parti. Il le fait avec la bouche, hein. Voilà, on remet encore un peu. Voilà, voilà, voilà, c'est bon. Bah oui, mais enfin bon, alors j'ai quasiment donné la réponse là. Mon gueule, ce mec. Voilà. Oh, je vous jure, bah vous pouvez remercier Tof, hein, si vous trouvez la réponse grâce à ça, c'est cadeau, c'est. Avec plaisir, si je peux rendre service. Ouais, ah ouais, c'est ça. Et Tof est un très très bon imitateur de cette personne. Ah bah oui. Allez, vas-y. Ne me donne pas le nom, hein. Il est capable de dire Hi, hello. De dire I love you Sandra. I love you Sandro. Qu'est-ce qu'il est mauvais, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Voilà, vous envoyez jeu JEU et la réponse au 64-900. Et si vous êtes tiré au sort, vous repartirez avec la tablette Asus MemoPad 10. Voilà, bon, je donne pas plus d'infos, hein, faut quand même pas déconner. Adeline aussi, pour tous les fans de foot qui ne peuvent pas voir la dernière demi-finale de la Coupe du Monde, pouvez-vous nous tenir au courant? Merci d'avance. Évidemment, Adeline, il n'y a aucun problème, on l'a fait depuis le début du mondial. Et on sera d'ailleurs là jusqu'à dimanche inclus. Normalement, on devait terminer demain. On sera encore là jusqu'à dimanche, puis pour arriver à vous donner. Bah pour suivre le dernier match ensemble, quoi. Ouais, bon, c'est ça, je peux ouais. pas vous le cacher qu'on espérait que la France ou la Belgique soient en finale. Ouais. Bon, on s'est rendu compte qu'en fait on avait été un petit peu trop. Mais bon. On avait vu trop large. On avait vu un peu trop large. Mais c'est pas grave, on sera quand même là dimanche soir à partir de 20h, 20h minuit sans aucun problème. Allez, bonne chance hein, pour gagner votre tablette. Là, jeu et la réponse au 64-900. Dernière ligne droite, je tire au sort dans 5 minutes. Bon, David et Thomas, vous êtes de retour là pour le je t'emmerde? Ouais. Ouais. Bon, allez, on y va. Alors, David qui avait fait 11, je t'emmerde. Non, 10. Non, Thomas. Attends, je sais plus. Ah oui, David en avait fait 10. 10 pour Thomas, pour David et voilà. 11 pour Thomas. Exactement. Et David, t'avais dit juste avant la pub. Ouais, mais il a dit plusieurs fois, je t'emmerde. Balance. Alors, ça, c'est autorisé. Je t'explique pourquoi. Je t'explique la différence. Bah alors, est-ce non, que attends, je, peux dire... hey je t'explique la différence. Donc, quand tu appelles et tu dis je t'emmerde, ça ne compte pas. En revanche, je voulais une conversation logique. Donc, quand il dit, voilà, j'ai reçu un courrier et dans le courrier, il y avait marqué je t'emmerde. C'est bah, ce que j'allais faire. Voilà, ouais. C'est une conversation. Logique, ça me pose pas de problème. C'est juste qu'il faut que ce soit placé dans une conversation logique. D'accord ? D'accord. Bon, alors, maintenant, David, donc t'en avais fait 10, Thomas t'en avais fait 11. Bon, on va recommencer tous les deux, hein. Thomas, cette fois-ci, c'est toi qui commences ? Ok. Tu vas tenter de faire mieux encore, hein ? Ouais, bah, je vais essayer. Eh ben, j'imagine. C'est parti, on y va, Thomas, même principe que tout à l'heure. Tu places un maximum de « je t'emmerde » ou de « je t'emmerde » dans la phrase. Conversation logique, évidemment. Et dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis « allô ». Merde, c'est ma faute. Voilà, je crois que ça n'a pas décroché. On va se taper un fax au répondeur, tu vas voir. On a quand même eu un fax tout à l'heure. Hein, c'est... Bon, c'est pas grave, on en appelle un autre. Ce sera ni fax ni répondeur, et tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un fax. Encore ? Non, mais c'est pas possible. Mais qui c'est qui a des fax encore ? Bah, deux en l'occurrence. Bon, on y retourne, Thomas. Allez, ça y est, c'est parti, c'est nouveau la poisse. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour, Gendarmerie Nationale. Oui, on vient de m'appeler, comme quoi votre numéro arrête pas d'appeler en disant « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Donc ouais, j'aimerais avoir des explications. Non mais on rêve là, monsieur, c'est absolument pas... Moi, non. Je sais pas, moi... C'est une blague, c'est pas très drôle parce que je viens de recevoir un coup de téléphone. Avec sa petite voix. Comme quoi, il y a une personne qui n'arrête pas d'appeler à votre numéro et qui n'arrête pas de dire je t'emmerde, je t'emmerde. Ouais, je t'emmerde, rien du tout puisqu'il a raccroché avant les trois derniers je t'emmerde. Donc ça nous a fait combien ? 4, 4, malheureux. Quatre. Bon Thomas, heureusement que t'en as fait 11. Hein. Ouais. On garde évidemment le meilleur des deux scores, c'est-à-dire 11. Bon David ? Ouais. Allez, à ton tour. À toi de battre 11, tu fais 10, tu perds, tu fais 11, c'est égalité, tu fais plus que 12, bah c'est gagné. Bonne chance David. On y croit. Hein. Allô ? Allô ? Oui, bonjour monsieur, j'appelle parce que j'ai reçu une lettre de votre part où il y avait écrit je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. C'est vous ? C'est-à-dire, vous avez trouvé mon numéro comment ? C'est pas moi qui ai écrit cette lettre, mais... Non, il y a écrit dans la lettre, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Oui. Et je demande si c'est vous qui avez écrit je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Non, c'est pas quelqu'un qui a écrit chez vous, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Quatre fois à chaque fois. Qui écrit ça, non. Et il n'y a pas quelqu'un que vous connaissez de chez vous ? Qui connaît votre numéro, qui a écrit je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Pourquoi vous avez eu une lettre avec mon numéro, avec ce numéro de téléphone, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une feuille où il y a écrit je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Bon, j'ai compris, vous n'avez pas besoin de le répéter, mais non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous qui avez écrit je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Bon, David ? Oui ? Il y a cohérente et cohérente, hein ? Ouais. Que tu dises, oui, j'ai reçu une lettre où il y a marqué je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, ça passe. Mais toutes les 3 secondes, là, ça devient incohérent. Donc, avant même de connaître le score, je décide d'enlever. Combien ? Attends, combien de fois il a fait cette enfilade là ? Combien de fois il a les enfilés ou combien il y en a en tout ? Non, combien il a fait de. Il l'a fait 3-4 fois. Non ? Combien de fois il a enfilé 5 je t'emmerde ou 4 je t'emmerde ? 4 ou 5 fois. Bon, j'en enlève 4, les je t'emmerde. Voilà, 4 en moins, donc ça nous en fait combien ? 14. 14 à la place de 18, donc c'est ça ? C'est ça. Mais c'est de la triche ? Non. Justement, je viens de lui enlever. Il a pas le droit de reprendre deux fois la lettre ? C'est deux sujets différents, normalement. Ouais, mais il avait pas fait la lettre au début. Mais non, c'est toi qui as fait la lettre. Arrête, j'ai gagné. Mais non, David, t'avais fait quoi comme sujet la première fois ? La lettre. T'avais fait quoi ? Comment ? La lettre, c'est exactement pareil. T'avais fait ça, David ? T'avais fait la lettre ? Parce que c'est ma faute. C'est moi qui ai pas rappelé la règle. Bon, allez, on va vous faire gagner tous les deux parce que vous m'avez saoulé les deux. Hey, il peut pas faire ça ! Ouais, c'est pas bien, c'est moi qui gagne. Hey, il a trop appelé, il a trop dit, c'est dégueulasse. Voilà, bon, parce que c'est vrai que j'ai oublié de rappeler au deuxième appel qu'on ne pouvait pas utiliser le même scénario. Ouais, sinon, j'aurais fait pareil. Donc, c'est ma faute, c'est vrai. T'as raconté, toi. Ouais, bon, enfin, Thomas, t'avais fait la gendarmerie, toi, donc comment t'expliquer ? Bon, c'est original, moi. Oui, non, mais c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est vrai. Bon, ça va pas dans le long terme, malheureusement. Mais pas crédible avec ta voix fluette. Mais c'est vrai que c'était original. Bon, vous restez tous les deux au standard du coup, on va prendre vos coordonnées et puis on va voir ce qu'on a à offrir. Je sais même plus ce qu'on a. On va filer ça. D'accord, merci. David et Thomas. Salut à vous deux merci en tout cas. Beaucoup, à bientôt. Merci. Salut. Ciao. Allez, à bientôt. Il y aura Corentin avant le tirage au sort dans quelques secondes là pour la tablette là. Asus Memo Pad 10 et ça y est, ça a démarré. 31e seconde pour la Hollande face à l'Argentine et on est déjà au 4e but hollandais. C'est pour faire le revival d'hier. Voilà, et oui, 7e but en 43 secondes, c'est beau pour les Pays-Bas. Non, 0-0 évidemment, bien entendu. Bon alors Corentin, comment tu vas? Salut Gaël, ça va et toi? Oh, t'es un doux toi encore, hein? Non, je suis déjà passé doux. Ouais, mais t'es un doux, c'est ce que je dis, ouais. Oui. Et c'est quoi ton pseudo doux? Le doux grincheux. Le doux grincheux, bah oui, me souviens, bien entendu, ouais. Bon, qu'est-ce qui t'amène le doux grincheux? Non, c'est pour parler des hétéros qui regardent des choses de gays. Des hétéros curieux quoi. Attends, bah voilà, bah attends. Qu'est-ce que tu racontes? Quand à un moment donné dans ta journée, écoute-moi, quand dans ta journée tu t'es dit je vais appeler Mickaël pour lui dire ouais je comprends pas que les hétéros ils regardent des trucs de gays à ton âge. Non, c'est parce qu'il y a deux jours on en avait parlé. Mais c'était c'était pas hétéro et gay, c'était hétéro et transsexuel. Oui bon enfin. Ah oui mais enfin c'est pas pareil. Bah les hétéros et enfin voilà. Bon et alors qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça Corentin? Bah parce qu'en fait il y a un pote à moi, on était dans le car pour aller au collège. Ouais. Et il y a un autre pote, il a pris son portable, il a regardé l'historique de Google et sur l'historique il y avait YouPorn, il y avait Shemal, il y avait Porno Gay, Gang Bang Gay et tout. Oh. Gang Bang Gay, Shemal. Shemal, oh, ça je déteste Shemal. Mais comment à ton âge? Bon, une Shemal donc c'est une... C'est un mec. Loup, c'est un mec qui s'est complètement transformé, qui est complètement une meuf, sauf qu'il est encore une bite en plus. Voilà. Voilà, c'est le petit cadeau bonus, c'est le petit. C'est la surprise 3 pièces. C'est le service 3 pièces. C'est comme ça qu'on appelle ça le service 3 pièces, en effet. Voilà. Et Polo adore. Ah oui, bah, il adore, bah, bien sûr. Là, et toi, tu parles, espèce de cochon. Voilà. Ben bah, oui, bah, bien sûr. Bon, et donc Corentin, donc, on va en parler dans un instant. Bah, reste avec nous, du coup, le doux grincheux, là. On va appeler le gagnant ou la gagnante également pour la tablette, là. C'est parti, on y va. Allez hop, on nous remet le couvert maintenant. Si la personne qu'on appelle décroche maintenant, il ou elle gagne. Et on filera les maillots de foot aussi, hein. Il en reste plus beaucoup les maillots de foot. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Cindy. Salut Cindy, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Et je t'appelle pour savoir si par le plus grand des hasards, tu aurais la réponse à cette question. De quel chanteur est l'album le plus vendu de tous les temps? Michael Jackson. Mais oui! Eh ben voilà, Michael Jackson, effectivement, qui va te permettre de repartir avec la tablette Asus Memo Pad 10. Elle vaut 200€, elle sera chez toi courant de la semaine prochaine. Ouais, c'est cool. Bah voilà, tu pars en vacances cette année ou pas? Non. D'accord, et eh ben au moins comme ça tu pourras passer le temps avec la tablette, hein, aller sur Facebook, le Twitter, etc. etc. Ouais, et ben voilà, et eh ben je t'en prie, avec grand plaisir, ben, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos, ok? D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, gros bisous, je t'embrasse. Salut à toi. Et eh ben voilà une bonne chose de faite là. Hop là, la tablette est partie. Impec, on va dans un instant vous offrir vos maillots de foot, je vous poserai la question juste après la pub. Et puis comme on parlait de drague en début d'émission, pour ceux qui étaient là, je viens de retomber sur les pires phrases de drague et il y a vraiment des trucs de ouf. Hein. Bah ouais, mais quand quand t'entends Georges. Non mais justement, moi, mais je sais. Non mais je sais, mais il y a quand même des trucs de drague assez scandaleux. Comme par exemple, je peux t'appeler biscotte. Et là la réponse dit la meuf dit pourquoi? Non parce que je trouve craquante. Parce qu'il y a quand même des gens, il y a quand même des mecs qui sont persuadés qu'en disant ce genre de phrase de merde, ils vont réussir à pécho. Et ça je trouve ça improbable. Genre par exemple une autre, tu sais que ta mère c'est une voleuse, bon elle a volé les plus belles étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ah ça c'est le top. Alors, du top du ringard. Ouais. Ah ouais, celle-là elle est archi connue. Tu serais pas la fille à Bob Marley? Bon, déjà avec une faute de français donc parce qu'on dit de Bob Marley, mais bon, parce que t'es trop bien roulé. Hein, rouler par rapport au joint tout ça. Sinon il y a aussi attention t'as fait tomber quelque chose. Et là la meuf répond quoi? Mon cœur. Voilà. Bon, en termes de ringardise on est pas mal. Ou alors il y a celle-là. Tu t'es pas fait mal en tombant du ciel. Oh là là. Ça aussi c'est quand même bien ringard. Ton père il vend pas des fusils parce que t'es trop canon. T'es pas essoufflé à force de courir dans mes rêves. Voilà. Salut, je m'appelle Prince et je suis charmant. Quelqu'un m'a dit que tu me cherchais. Oh la merde. Oh ouais, putain, ça c'est naze. Et enfin la petite encore là. Est-ce que tu embrasses les inconnus? Non, ok, alors je me présente. Oh là là. Voilà. Bon, est-ce que vous connaissez, vous, des phrases de merde aussi ringardes? Alors les filles, est-ce que vous, il y a des mecs qui ont déjà été assez ringards que vous, que pour vous balancer des phrases de merde comme ça là, dites-nous lesquelles c'était si vous vous en souvenez. Et puis les mecs, allez, soyez francs, assumez, c'est pas grave. Dites-nous si vous avez en stock comme ça des petites phrases aussi ringardes que celle-là. Vous envoyez M.I.K.L. et votre message au 64-900 ou alors par Twitter, Facebook, hein, tapez M.I.K.L. 20h sur Fun avec le hashtag pour envoyer tous vos messages. Vous n'hésitez pas, on en parle dans quelques minutes. Il y aura Corentin de retour dans quelques secondes. Et puis bah, vous toutes et vous tous, avec les maillots de foot à gagner et avec le son de Syndicate au flon. On l'avait demandé tout à l'heure en début d'émission, la Got It To Like That. Ça arrive dans un instant sur Fun Radio, toujours 0-0. C'est la sixième minute du jeu, de jeu pardon, entre les Pays-Bas et l'Argentine. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment, 22h10 sur Fun Radio. Et Jonathan qui dit salut Mickaël. Personnellement, dans le Berry, on dit il tombe une. Alors je sais pas si on dit une Agadio, une Ajadio. Adagio, non? Bah là il écrit A-G-A-D-I-O. Donc excuse-moi, il faut écrire en phonétique parce qu'on est un petit peu con. Donc n'hésite pas à refaire. Hein. Message aussi qui est arrivé là. On m'a demandé si je m'appelais Google. Le pauvre type m'a dit qu'il trouvait en moi tout ce qu'il cherche. Franchement, faites un effort les mecs. Bah c'est clair. Moi il y a un mec qui a été voir mon mec et il lui a dit tu me prêtes ta copine, je la ramène avec le plein. Ça c'est dégueulasse mais c'est drôle. Bon, si vous avez des phrases ringardes comme ça, dites-les nous. Et puis on a des maillots de foot également à vous offrir. Attention, il ne reste plus beaucoup, offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Maillot de foot de l'équipe de votre choix. Il faut simplement envoyer comme tout à l'heure un jeu JEU et la réponse combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot argentin. En gros, combien de fois l'Argentine a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Si vous avez la bonne réponse, c'est facile. Vous envoyez jeu JEU et la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort avant la fin de l'émission, le maillot de l'équipe de votre choix sera pour vous. Je vous souhaite évidemment bonne chance. C'est parti pour le son de Syndicate au Flow maintenant sur Fun Radio. Got it to like that. Il est 22h11 et on est en direct jusqu'à minuit sur Fun. Le son de Syndicate au Flow sur Fun Radio, Got It To Like That. Bon, on l'avait demandé tout à l'heure, eh ben c'est fait. Il y aura David Guetta à suivre aussi dans un instant sur Fun Radio avec Blast Off. Et il y avait le doute d'ailleurs qu'on a eu en début d'émission qui voulait aussi écouter le son de Saya. Chandelier. Eh oui, t'as fait un chandelier. Bon voilà, ça y est, tout à l'heure avec Chandelier sur Fun Radio. Et puis bah vous en direct avec les appels malveillants dans un quart d'heure, le canular dans une grosse demi-heure. Et puis toujours la question donc, combien d'étoiles y a-t-il sur le maillot argentin? Si vous voulez repartir avec le maillot de l'équipe nationale de votre choix, il y a également un ballon officiel FIFA ou même les chaussures avec lesquelles les joueurs jouent avec à la Coupe du Monde à 2014. Il y a des Puma, il y a des Nike, il y a des Adidas, ça vaut 250€ juste la paire de pompes, ça vous donne une idée. Donc si vous voulez le maillot de l'Argentine, des Pays-Bas, parce qu'ils jouent ce soir, même de la France, de la Belgique, du Portugal, de l'Italie, même les Espagnols, le Brésil. Bon, il est en solde pour l'instant. Vous envoyez simplement je, J-E-U et la réponse combien d'étoiles y a-t-il sur le maillot argentin? En gros, combien de fois l'Argentine a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez je, J-E-U et la réponse au 64-900 et je vous souhaite bonne chance. Et bravo aux gardiens des Pays-Bas là. Il a arrêté un missile de Lionel Messi là, je peux te dire que. Il essaye de trouver et puis finalement il a trouvé la balle. Voilà, donc toujours 0-0. J'avais promis à une auditrice là qu'on allait regarder ça et suivre le match pour vous. Hollande-Argentine 0-0, 14e minute de jeu. Et bonne chance pour gagner donc votre magnifique maillot au choix offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Je vous demandais aussi quelles étaient les phrases les plus ringardes que vous avez déjà reçues les filles de la part de mecs qui essayaient de vous draguer tant bien que mal. Alors Il y a Jojo qui disait, moi une phrase ringarde, c'est j'ai décroché les étoiles pour les mettre dans tes yeux afin qu'ils brillent de mille feux. Oh putain, c'est nul. Claudia aussi qui vient d'envoyer son message. Le ciel est gris, mais quand je vois ton visage, il devient bleu, dans le genre de phrase de merde pour draguer. Allez, pas mal. Pierre aussi, j'ai dit à une fille si elle avait une carte, elle m'a dit non, pourquoi ? J'ai répondu parce que je me suis perdu dans tes yeux. Oh putain. Ryan, excuse-moi, je suis nouveau en ville, tu peux me donner la direction de ton lit ? Alors il y avait quoi aussi ? Kevin, ce soir c'est direction le casino avec ma couille. On peut avoir un petit message pour nous encourager ? Bah bien sûr, évidemment. Eh ben je vais baiser avec ta chienne moi. Eh ben voilà, très bien. Mathieu aussi, j'ai fait la pire moi, devant toute ma famille, j'ai pris ma casquette et j'ai dit à une fille, tu veux ma casquette ? T'es allergique au soleil ? Ouais. J'ai pas compris. Parce qu'elle brille. Ah ok. Dans la vie je suis gynéco, je t'offre une consultation gratuite. Ah sympa, c'est classe ça, c'est tiens. Ah c'est bien ça. Ah, j'aurais pu la faire celle-là. Celle-là aussi est pas mal. Je suis gay, tu sens capable de me convertir. Elle est pas mal. Sinon t'as le vertige car ce soir je vais t'emmener au 7ème ciel. Oh là là, grande gueule ça, grande gueule. Moi on m'a quand même sorti, tes parents ne sont pas du CERN, non, parce que t'es vraiment une bombe nucléaire, ou même au lieu de tomber du ciel sur Terre, tu aurais dû tomber dans mes bras, comme ça tu serais tombée amoureuse. Oui, ces personnes sont des mecs très lourds, mais toi je te kiffe, Mickaël. Oh bah c'est gentil, même si je sors des phrases comme ça, dis-moi. Ton père travaille chez Michelin, non, parce que tu me gonfles. Oui, bah enfin ça c'est pas pareil, tu la dragues pas là pour le coup. Hein. Et il y a un message qui est arrivé, Mickaël. Si, tu me gonfles la bite. Ah ouais, oui, c'est vrai. Toi. Et t'es la cigarette, vous, toi et la cigarette, vous avez un point commun, on devient vite accro. Oh là là. Oh, bon, allez, continuez, hein. Et Mickaël et votre message au 64-900, si vous avez des phrases comme ça, bien merdiques, on peut en parler, il n'y a aucun problème. Il y a Corentin de retour, là. T'es toujours là, Corentin ? Ouais, je suis là. Bon, alors, juste avant la pub et juste avant le son du cynique qui est au flow, tu nous avais parlé d'un truc assez improbable. C'est vrai qu'il y a deux jours, on a, dans les appels malveillants d'ailleurs, on avait appelé des gens pour, parce qu'on était tombé sur une statistique qui disait que ceux qui regardaient les films porno, c'était quoi encore Non, ceux qui regardent les films porno transsexuels. Transsexuels, exactement. Voilà, c'est 80%, c'est des hétéros. Et voilà, 80% qui regardent des films transsexuels sont en fait hétérosexuels. Et du coup, toi, tu nous appelles parce que t'as un pote qui regarde des films comme ça, c'est ça ? Ouais, bah en fait, dans son historique, on a trouvé schéma, porno gay, gangbang gay et tout. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Et quoi ? Mais bon, après, il fait ce qu'il veut, hein. Oui, bah oui. Ouais. J'ai tapé voilà. Gangbang gay dans Google, il a dû voir des trucs sympas. Ah ouais ? Ah ouais. Et ce porc, et qui me rend, tu peux aller voir ça, toi, espèce de sac de merde, va. C'est pas moi. Non, pas toi, je parle de Toff. Mais non, on parle de Toff, t'inquiète pas, le doigt grincheux là. Et t'as vu le doigt agressif, même, on aurait pu l'appeler. Ouais, ouais. C'est pas moi qui a. Je vais te péter la gueule, moi, qu'est-ce qu'il y a ici là ? Attends pas ton cinéma là. Bon, et quoi, tu nous appelles pour nous dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi dans l'absolu ? Bah rien, c'était juste pour dire qu'il faisait ça quoi. Ah d'accord. Ah bah casse-toi alors le doux, c'est bon là. Bah je vois, j'ai des phrases aussi reloues. Ah toi aussi t'es un grand relou. Enfin non, c'est pas des phrases reloues, mais ouais, c'est un pote qui a dit que c'est ça. C'est un pote qui l'a dit à des meufs et t'étais là. En fait c'est comment foutre un vent à une meuf avec des phrases reloues, enfin quand c'est la blague du terroriste là. Vas-y. Bah c'est ton père. Est-ce que ton père est terroriste? Et lui elle fait non, pourquoi? Parce que t'es une bombe. Et elle fait oh non non et tout. Et il fait non, une bombe lacrymogène, t'es tellement moche que ça pique les yeux. Ah, c'est une belle sortie du coup. Ouais, ça c'est le rattrapage. C'est le rattrapage quand la meuf te vire. Mais en même temps, faut accepter, hein. Parce que tu vas la voir en mode relou. Mais il y a un moment, faut accepter qu'elle t'envoie la merde. Mais oui, parce que moi j'ai vu, parce que je traîne beaucoup dans la rue. Ouais. Et j'ai vu beaucoup de mecs faire ça, et quand la meuf ne répond pas ou elle l'envoie chier, le mec, ouais, espèce de salope, vache, elle pue. C'est ça, alors que tu le mec t'es était pris pour une bombe. Voilà, alors que le mec à la base était intéressé. Donc s'il était intéressé, c'est que la meuf était quand même pas mal. En tout cas pour lui. Ouais. Donc voilà, c'est juste les mauvais perdants, ça, les mauvais joueurs qui réagissent comme ça. Et j'ai une copine, moi, qui a été arrêtée un jour dans la rue, et le mec. Par les flics ? Non. Hein ? Par un mec, je sais pas trop, et le mec lui a dit oui, je t'arrête pour excès de beauté. Excès de beauté. Genre, t'as dit ça, toi, le doux grincheux ? Non, parce qu'en fait, c'est une pote à moi, elle m'a raconté, elle était dans la rue et tout, et il y a une bande de gars, elle arrive, elle fait le mec il fait, hey, madame, vous êtes trop belle. Et ma pote, elle fait, ah, et toi, t'es trop moche. Bah, elle avait peut-être pas tort, en même temps, éviter les, hey, mademoiselle, ou hey, madame, tu vois, tout ça, c'est fou, arrête avec ça. Madame, t'es bonne. Ouais, voilà, ça c'est bien. Madame, t'es bonne, c'est pas mal. C'est ça, ouais. Ah bah, si tu veux rater ton coup, ouais, tu peux essayer. Hein. Parce que, sincèrement, je voudrais qu'il y ait une meuf là ce soir qui m'appelle. Et qui me disent, ah ouais, avec moi ça marche. Je voudrais vraiment qu'il y en ait une qui me dise, Ouais, si un mec m'accoste comme ça dans la rue en disant hey, eh hey, mademoiselle, psst. Attends, tu veux elle était bonne hein. Eh ben moi je vais dire un truc, si je viens avec une Ferrari avec un compte en banque chargé, je peux faire ça où je veux. Hein. Ouais ouais, moi je suis pas sûr. Tomber. Ouais, on parie. Oh bah, on parie, moi je suis on va louer une Ferrari avec Polo. Tu vas voir. On va faire le tour des champs et on sert à tous les coins de rue. Avec ma casquette comme ça, en traviole, comme ça, j'ai fait. Vas-y, tu viens dans ma turvoie là, vas-y, on va. Et hop les meufs. Je te fais un tour là. Dans ma turvoie. Ben ouais mec. Ah bah, c'est une question d'argent avant tout. Appelez-nous les filles, je veux avoir votre avis, tiens, vos avis plutôt. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. À la limite, à part Sandro que tu peux draguer comme ça, essaye un peu avec Sandro pour voir Polo. Imagine t'es au volant de ta Ferrari là, t'es là, t'es en mode Ferrari, vas-y. En mode beau gosse. Mets le son là. Ah bah une seconde. Attends, freine. Hop, ouais. Je vois Sandro là comme ça, je suis sur les champs là. Ah merde, attends, ça c'est l'accident ça. Voilà, donc là t'es en mode voilà. Avec du bon son derrière. Ouais, enfin, ouais. On va dire, ouais. Là, je vois. Hop. Et là, hop. Et là évidemment, l'arrêt. Hein. Frein à main. Voilà. Eh, hey, mademoiselle. C'est marrant, la réponse. Eh, mademoiselle, là. Eh, hey, psst. Espèce de grosse pute, va. Hey, réponse. Eh, hey, psst. Eh, hey, psst. Ouais. Ah bah ton cul d'ailleurs on démarre là. Bon bah ça n'a pas fonctionné. C'est marrant, ça n'a pas fonctionné hein. Bizarre. Moi c'est sur total, moi je pensais que Sandro allait tomber dedans là. Ouais, c'est un échec comme ça ouais. C'est un échec. Ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, appelez-nous les filles et dites-moi tiens justement là. Bon bah Corentin, mais merci d'avoir appelé en tout cas hein. Ça va un petit dédicace. Bah oui, t'es d'où officiel, t'as droit même à deux dédicaces, vas-y. À deux. Bah mais t'es pas obligé hein, c'est pas une obligation d'en faire deux, c'est. Bah si alors. Bah je fais une petite dédicace à Pumba et à Nono. D'accord, t'as tout le livre de la jungle. Ouais, Pumba et Nounou. Ouais. Bon, ça roule. Allez, salut à toi, à bientôt, le doux. Allez, salut. Ciao à toi, Corentin. Bon, allez, restez sur Fun Radio, là. 22h23, il y a les appels malveillants qui vont arriver dans quelques minutes. Et puis, j'ai encore quelques petites phrases qui viennent d'arriver. Vous êtes très motivés, vous avez beaucoup d'imagination ce soir, c'est bien. Jordan qui envoie son message aussi, qui dit « Je ne sais pas combien de temps je vais rester avec toi, car le nombre infini n'existe pas. Oh. » Oh là là. Gilda aussi qui dit « Moi, quelqu'un a dit à ma meuf, ton père ne travaille pas chez Nintendo. Pourquoi ? Parce que t'es une déesse. » Oh putain. Bon alors ton père est un terroriste, il a créé une bombe atomique. Il y avait quoi l'autre aussi? Ton père travaille pas dans un magasin de pantalons parce que tu travailles dans le mien là. Ça c'est drôle. J'aime beaucoup votre robe, mais elle serait encore plus jolie sur le plancher de ma chambre. Croyez-vous au coup de foudre dès le premier regard ou dois-je passer mon chemin? Y a Yann aussi, salut l'équipe. Ça fait même pas un mois que je vous écoute de 20h à minuit et je m'amuse trop avec vous. Continuez comme ça, allez salut. Bah merci Yann. En même temps on est là que depuis la semaine dernière hein, de 20h à minuit. Sinon l'horaire annuel, enfin l'horaire d'habitude, c'est 23h-2h et le dimanche de 20h à minuit. Donc là on est en mode 20h minuit pépère. Et on sera en mode normal dès la rentrée vers le mois d'août. Comme ça vous savez tout et vous pourrez même tenir vos potes au jus. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. Allez, restez sur Fun Radio. Dans un instant on aura Adèle qui est avec nous de Lyon. Salut Adèle. Salut Mickaël. Tu vas bien? Bien et toi? Bah écoute, tranquille, ouais. Tranquille. On va tous bien là, pas de problème. Super. Et on va se faire les appels malveillants en plus après, donc on va être au top. Qu'est-ce qui t'amène toi, dis-moi? Bah moi c'est juste pour parler d'un petit problème, c'est que je suis accro à une série et je me demande si c'est normal, parce que toi tout le monde me dit ouais c'est un truc de meuf et tout et. C'est voilà. Quoi comme série? Devious Maids? Non, ça aussi je regarde, mais non, c'est... Ah, ça aussi tu regardes, pourtant c'est une série de gonzesses, hein, c'est Devious Maids. Bah c'est ouais, sur M6. Bon, et quoi d'autre, hein, c'est quelle série? C'est Vampire Diaries. Ah oui, mais ça reste une série de meufs. Hein. Ça reste une série pour filles. Ah ouais, ouais. Enfin, mec, pour c'est chaud. Non, quand vous regardez correctement, c'est pas vraiment une série de meufs. Correctement. Ouais, bon, on a regardé correctement. Regardez correctement, c'est-à-dire, tu veux dire, devant l'écran de la télé? Voilà. Ou à côté, non, à gauche, comme ça. C'est vraiment l'histoire, de la saison 1 à la saison 6, là, bientôt. Je cherche pas d'excuses, c'est pas grave. C'est une gonzesse, c'est bien. Bon, allez, reste avec nous, on va en parler. Adèle, tu restes là. Vous envoyez vos messages et puis on en parle. Vous envoyez vos messages avec votre numéro de téléphone, hein, si c'est par SMS. Donc, M.I.K.L. et votre message au 64-900. Ou alors vous nous appelez direct au standard 01 42 48 5000. 22h25 sur Fun Radio. Il y a toujours 0-0 au niveau du match de foot. Et puis c'est David Guetta qu'on écoute. Lovers on the Sun. Let's light it up, let's light it up. Voilà le son de David Guetta sur Fun Radio, Lovers on the Sun. Bon bah bienvenue si vous venez d'arriver, toujours 0-0 pour la Hollande face à l'Argentine. Et puis il y a Enora qui dit moi un mec m'a déjà dit ouais l'ami t'as pas tant, t'as pas un 06 et il a eu mon numéro. Bah merde alors. C'est chaud. Bah comme quoi hein. As-tu senti ce t-shirt? Tu sais à quoi ça me fait penser? Au t-shirt d'un petit ami. Oh là là. Et le réalise que dit en phrase de merde, il y a ton père il travaille pas chez Nintendo parce que t'es une DS. Ah bah oui on l'avait lu tout à l'heure. Et tes cuisses ouvrent à quelle heure? T'as de belles dents, ça ferait un joli collier à ma bite. C'est Nicolas. Ah j'adore celle-là, je vais la placer. Ah non, elle est trop violente là celle-là. Bon, et toujours la question, combien d'étoiles sur le maillot de l'Argentine? En gros, combien de fois l'Argentine a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Pour gagner votre maillot de l'équipe de votre choix, vous envoyez jeu et la réponse au 64 900. Il y a un message qui dit, il n'y a pas d'étoiles sur le maillot argentin. Oui, enfin bon, ouvre tes yeux quand même à un moment. Et en plus, ils sont en train de jouer, donc si tu veux, bon. Une fois en 1978. Non, c'est pas une fois. Trois étoiles sur le maillot argentin, ce n'est pas la bonne réponse. Non, c'est pas un restaurant, hein. Ouais, 5 étoiles non plus, ça c'est le Brésil qui n'en aura définitivement pas 6, en tout cas pas pour cette année. Donc si vous avez la bonne réponse, jeu et la réponse, vous envoyez jeu espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et vous repartirez peut-être avec le maillot de l'équipe de votre choix. Et bien sûr, je vous souhaite bonne chance. On se fait les appels malveillants? Ah oui, allons-y. Pour une fois, on est pile à l'heure, 22h30 tout pile. Allez, c'est parti. On appelle donc des gens grâce au numéro que vous nous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et puis là, c'est... c'est ma copine d'hier. Voilà, on a eu un auditeur hier qui nous a dit qu'il fallait péter pour être en bonne santé. Voilà. Et donc on appelle maintenant. Bah oui, c'est le on l'avait eu hier au téléphone. Oui, et elle a dit mais rappelez-moi demain. Oui, elle a dit que c'était Johnny. Alors. Oui, voilà. C'est, oui, elle était tombée dans la bouteille de Johnny Walker d'ailleurs. Ouais. Bon, allez, on l'appelle maintenant. Là, c'est parti. Let's go. Et il y a Coco qui dit ça fait depuis septembre que je vous écoute. Je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Comme il faut, moi. Voilà. Je t'en mets même un autre, tiens. Ça que tu as main, de faire autonomiser, bon, hein. Voilà. Elle m'a dit de la rappeler. Bah oui, c'est vrai, je suis assez déçu. 06. Oh, dommage. Je suis déçu. Bon, c'est pas grave. Bon, on appelle un autre. Bah oui. Bah du coup, on n'a pas le choix, hein. Allez hop, c'est parti, on en appelle. On en appelle un autre maintenant sur Fun, 22h31. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je voulais savoir combien de fois vous pétez par jour, monsieur. C'est un peu bizarre votre question. Vous trouvez? Vous appelez les gens à cette heure-là pour dire ça? Bah oui. Pourquoi... Oui, d'accord, ouais. Bah pourquoi je pourrais pas? Ouais. Bien sûr, en plus, pourquoi t'appelles un inconnu? Mais j'appelle pas un inconnu, monsieur. Oui, vraiment pas un inconnu. J'appelle pas un inconnu. Je me permettrai pas, monsieur. Enfin, pourquoi vous dites toutes ces choses vilaines? La vie de ma mère, mais toi t'as de la chance mon collègue. Mais pourquoi bon, vas-y, tu sais quoi? Même pas je parle avec toi, c'est quoi? J'ai pas que ça à faire, je travaille demain, vas-y, ciao. Bah oui mais c'est pas gentil monsieur, moi je vous appelle, allô. Ah oui mais enfin il travaille demain donc attends. Ah bah oui alors. Attends, rappelons-le, en même temps nous aussi on travaille hein. Bah c'est ça. Bon bah alors quoi? Aujourd'hui, demain. Exactement, on rappelle. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir combien de fois par jour vous pétez, madame. Fun Radio, vous arrêtez, s'il vous plaît. Ah, mais c'est pas Fun Radio, madame. Je sais très bien que c'est vous, Fun Radio. Ah bon? Mais comment vous savez ça? Ah, elle a raccroché. Tu remarqueras que c'est souvent les filles qui nous reconnaissent. Ouais, ouais. Tant mieux, hein, cela dit, hein, mais. Ouais. Hein, c'est souvent les filles qui nous reconnaissent, donc c'est pas mal, hein. Le mec se vénère et puis la meuf derrière. Exactement. Ou alors la meuf derrière engueule son mec parce que lui n'a pas reconnu. C'était énorme, genre. Ça nous était déjà arrivé, ce truc-là, hein. Ça nous était déjà arrivé. Bon, ben, on en fera l'autre tout à l'heure. On lâche jamais l'affaire, hein, vous inquiétez pas. On refera l'autre, appels malveillants tout à l'heure. On est toujours dans les phrases de merde. Y a quoi? Comme phrase de merde, il y a, ça te dit qu'on boive un café et qu'ensuite on s'embrasse. Non, c'était une blague, laisse tomber le café. C'est pas mal. Il y a Maël aussi, Plandrac qui revient. Attends, t'es quoi? Qui revient dans la. Mec, quoi? J'ai rien compris. Maël, plan de drague qui de revient dans la trois petits points. Le mec, ton père, c'est pas un terroriste. La fille, non, pourquoi? Le mec, car t'es une bombe. La fille, ton père est pas haltérophile. Le mec dit, non, pourquoi? La fille répond, car t'es lourd et t'es comme le Ricard, tu saoules à la longue. Voilà, bonne soirée. Oui, ça, c'est pas mal, c'est un bon dialogue. Après, faut être sûr que le mec et la meuf, en l'occurrence, répondent les bonnes choses à chaque fois. Hein, sinon, évidemment, vous êtes dans la merde. Pauline, je suis au taf et je vous écoute souvent, je vous kiffe. Eh ben, nous aussi, on te kiffe, Pauline, on te fait des gros bisous. Et Emilien, également de Sedan, qui dit, salut l'équipe, je vous écoute depuis 6 mois, vous me faites rire, est-ce que je peux moi aussi avoir un message? message de bienvenue. Eh ben évidemment, pas de problème, message de bienvenue. Je vais t'en mettre un petit là, attends une seconde. Attends, qu'est-ce que je peux mettre comme message de bienvenue? Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Oui, c'est ça. Tu veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con? Ça faisait longtemps celui-là, tiens. Nique ta race. Voilà. Oh bah tiens, et c'est l'heure hein. On pense qu'on mette le florilège annuel. Florilège annuel maintenant pour fêter la fin de cette saison pleine d'insultes. Ah oui. Qui était magnifiquement insultes. C'était magnifique sur cette magnifique musique également. Je vous mets quelques insultes les plus belles de l'année. Albert Foot, pauvre connard. Sur ma biche, je te nique ta mère. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère et je les arrose. Y'a tout une merde. Ta maman, elle a un gros cul, ta soeur. Vous êtes pédé ou bien vous êtes, je pense que vous êtes un gros pédé, hein, ma fille, hein. Et je vais te chier à la gueule, moi, tu vas voir. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre la bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Mais je vais me mettre sur ta gueule, gros pédé, là, tu vas voir. Ça va te faire tout drôle, là. Tu vas vous placement, ce pédé que tu es, va. Tu vas voir, je vais mettre du Nutella sur ma bite et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. Hein. Je te prends un coup de pied au cul et comme ça, je te jure que ça va te passer l'envie de chier quelque part, espèce de gros bâtard que tu es. Hein. Va te faire enculer, connard. Va te faire enculer. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère et après tu pourras parler. Mais si t'as un gros pédé. Je t'emmerde, gros pédé, je vais te mettre une bombe dans le cul, je vais te faire sauter, gros pédé que tu es. Faites chier, la femme. Ah bon. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Va te faire enculer, va enculer ta mère, je la baise, par trop les trous, hein. Elle aime la bite. Voilà. Tout cet amour. Oh, tout cet amour, en tout cas, on a bien senti qu'on a passé une bonne année, hein. Ah oui. Oh là là, j'espère que l'année prochaine sera encore plus sympathique. Moi grâce aussi. À vous, avec vous, avec... parce que tout ça, c'est grâce à lui, au numéro que vous envoyez tous les soirs. Sans eux, on serait rien. Ah bah oui, continuez d'ailleurs à toph@radio.fr. Tiens, il y a Lorraine qui dit, j'étais avec une copine et il y a un mec qui nous a dit, les filles, vous êtes belles, vous êtes fraîches comme de la crème fraîche. Oh putain. Oh, il y en a vraiment qui sont pas doués, hein. Bah, vous avez eu du courage, Lorraine. Bon, bah, si vous êtes jolie, cela dit au passage, hein, bah, tant mieux, hein. Bon, il y a Talia qui est avec nous maintenant de Rumilly en Haute-Savoie. Salut Talia. Salut Mika. Comment tu vas ma belle? Ça va super bien et toi? Bon ça va, ton père est un voleur. Oui mon père est un voleur. Et il a volé les quoi c'est quoi? Toutes les étoiles du ciel, pour les mettre dans tes yeux. Qu'est-ce que c'est naze putain. Ouais c'est sûrement ça ouais. Ouais. Bon alors Talia t'es déjà tombée sur des mecs relous à quel point en termes de phrases ridicules comme celles que, bah, comme toutes celles qu'on a citées là? Bah, je pense que en termes de phrases ridicules on m'a demandé si j'ai été conçue sur un café. Hein? Parce que j'excitais la personne. Oh là là, quoi donc le mec arrive, le mec. Oui, excusez-moi mademoiselle, vous avez été conçue sur un café? Là tu réponds quoi? Pourquoi? Ouais, voilà. C'est ça. Parce que vous m'excitez. C'est dingue. Voilà. Mais t'es mignonne, Talia? Ah bah c'est à toi de dire. Je vais la photo. Alors combien? Oh là là, mais il fallait pas lui lancer cette perche, Talia là. Ouais, je l'aime bien, toi, je me fais rire. Moi aussi, même si je t'aime bien. Ouais, ah, bah. Moi aussi, je t'aime bien, Talia. Combien mesures-tu? 1m55. Combien pèses-tu? 38 kilos. Ah oui, c'est bon ça. Il faut manger hein. Ah non c'est parfait. Si, il faut bien dessiner là. Si. On a des pâtisseries là, du pâtissier de fun. On va t'en envoyer un petit peu là. Quel est ton tour de poitrine Talia? Tu me crois jamais. Mais si je crois tout moi. 85 E. Oh là là, mais c'est pas les tiens. Attends mais c'est pas possible 85 E donc t'es 38 kilos en fait c'est que t'es sain. Mais envoie ta photo. Non mais c'est... Envoie-moi ta photo à polo@funradio.fr. Je la mettrai sur Facebook. Attends, ouais. Mais je peux pas croire. 1m55, 38 kilos, déjà, c'est hyper, hyper peu. C'est bon, ça. Et tu fais du E. Ouais, c'est ça. Mais c'est les tiens ou tu t'es fait un peu aider par la chirurgie? Ah non, du tout. C'est tout naturel. Et d'ailleurs, je vais me faire aider pour en enlever. Ah non. Ah si, E, à un moment. Je peux venir t'aider à en enlever un peu. Ouais, avec une louche. Ouais, moi, je peux venir t'aider à les astiquer. Moi, je propose aux nanas. Que si elles en veulent, bah, je donne volontiers, mais elles prennent ma scoliose en même temps. Ah bah oui, forcément, bah c'est lourd. Et sinon, la tête du dernier pantalon. Enfin, Toff peut faire soutien-gorge si tu veux. Bien sûr, moi je peux les soutenir. Il vient soutenir, il met les équerres, tout le bordel. Hein. Il n'y en a pas vraiment besoin, mais. Ah bon. Et donc la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Eh ben, c'est du 34. Oh là là. Oh là oh là. Là là. Oui, bah oui, mon frère. Mais ce 38 quand même me perturbe. Oh là là. Alors c'était 38 aux dernières nouvelles, donc il y a à peu près un mois et demi, donc je sais pas. Mais tu dois être hyper maigre. Bah non, en fait, ça se voit pas tant. 38 kilos, mais je peux te soulever avec mon petit doigt. Quasiment. Ouais, c'est... Non mais presque. Non mais c'est vrai. 38 kilos, mec, 38. Hulk, le mec, c'est quand même Hulk qui prend la fille sur 38 kilos. Mais non, mais 38 kilos. Hulk. Non, mais c'est rien. Développé couché avec la fille. T'imagines que tu pèses un tout petit peu plus de 38 fois mon Mac. Oui, ça fait 38 Mac empilés, quoi. Oui, voilà, oui, voilà, c'est grosso modo, c'est ça. Bah ouais, mais. Je pèse moins lourd que mon chien aussi, donc. Voilà, exactement, ouais, c'est ça. Et par contre, tu pèses moins lourd que toute la connerie de Toff. Ouais, mais ça c'est pas difficile. Ouais, mais ça c'est pas très difficile. Ah non, je sais, mais quand même. Quand mais envoie une photo quand même qu'on voit. Polo@funradio.fr. Ouais, tous les mecs, vous envoyez ça. Polo@funradio.fr. Vous envoyez vos abdos et vos sexes turgescents. N'hésitez pas d'ailleurs. Bon, attends, Talia, reste avec nous. Il y a Soraya avec nous de Lyon également. Salut Soraya. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bon, écoute, plutôt pas mal. Tranquille, tout roule. Alors Soraya, tu t'es déjà fait accoster par des mecs ringards? Ouais, en fait, à l'époque, je travaillais dans une crêperie et il y avait beaucoup de passages. Ah, et Toff est arrivé. Ouais, ok, d'accord. Non, okay, j'ai compris. Et donc, du coup, il y a un mec qui est passé, donc il m'a fait une vieille phrase pourrie du genre j'ai perdu mon numéro de tel, est-ce que je peux emprunter le tien? Ouais. Donc, en fait, sur le coup, ça m'avait fait rire parce que je venais de finir, donc je lui dis, bah, à une condition, tu m'offres un café. Donc, il m'avait offert. Ah, bah oui, donc tu sens la meuf ouverte quand même. Donc, le mec, il a dû se dire, oh putain, quand même, ça fonctionne. Tu vois, ça marche. Ah ouais? Non, pas du tout, parce qu'en fait, avant, je les remballais tous. Et en fait, du coup, ça m'a fait rigoler sur le coup à l'époque. Et du coup, là, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Merde! Ah ouais, quand même! Ah ouais? Donc, comme quoi, ça marche? Hein. Comme quoi, ça peut fonctionner alors? C'est peut-être pour me faire rire ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait rire. Donc du là, coup, tu sors, là, concrètement, si j'en crois un petit peu l'analyse là qu'on vient de faire à chaud, tu sors avec un ringard. Non! Ah si! Non, c'est pas un ringard. Non. Non, parce que les femmes sont pas toutes ringards. Hein. Attends, non, nous on fait des efforts. On fait des efforts pour pas justement pour faire des trucs propres et tout, pour pas se faire rembarrer et tout. Et toi, tu tombes dans le panneau. Exactement, c'est tu dingue. Chier, quoi. Attends, ouais. Mais tu vois le mec, tu dis pourquoi il a sorti cette phrase. Peut-être ce jour-là, je sais pas s'il a dû faire un pari entre potes, je sais pas ce qu'il a fait. Mais là, comme je le connais au bout des 7 ans qu'on est ensemble, qu'on se connaît, il me sortira jamais une phrase débile. Mais il a vieilli, c'est pour ça. Voilà, après, il a 30 ans, donc... Il y a peut-être de ça, alors. Oh là là, il a sorti donc après, ça, c'est dingue. Là, à l'époque, il travaillait pas, c'était un mec du GAFA, c'était un zonard, quoi, entre guillemets. Ah, ouais, d'accord. Et du coup, voilà, donc maintenant, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, mais ça se passe très bien, quoi. Bon, bah, c'est bien. Et toi, Talia, là, tu dirais, tu m'offres un café, là, avec ce genre de van? Enfin, de van, alors, je suis tombée dans le même panneau il y a 3 ans, c'est pas exactement pareil, mais moi, il m'a juste demandé si je voulais pas être sa stripteaseuse parce que j'en sais bien. Et du coup, j'ai dit que c'était pas possible, mais que par contre, il pouvait m'offrir un café pareil. Et possible, du coup, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Mais non. J'ai jamais été sa stripteaseuse du coup. Ah putain, donc ça marche. Donc ça marche. Putain, mais moi, je sors de la radio ce soir, je vais sortir toutes ces phrases de merde. À toutes les meufs que je croise. Non mais donc ça fonctionne, je suis choqué. Il était prêt à me payer pour danser pour lui quand même. Ouais mais putain, mais c'est pas possible, moi je ferais ça, la meuf va dire ouais, tu m'as pris pour une pute, tu crois que j'ai... Et du coup il t'en l'a joué dans sa gueule. Non mais moi c'est pareil, l'autre jour je discute avec une meuf quasiment je sais pas jusqu'à quelle heure. Je me dis bon allez, je vais lui demander son numéro. C'est une prostituée hein. Non, c'était... Ne dites rien, les auditeurs, on est en off là. Vous avez vu le clin d'œil? Voilà, écoutez la conversation, validez tout ça, Toff. Et donc voilà. je discute avec la meuf, ça se passe bien. Et je me dis bon allez, je vais lui gratter son numéro. Elle me fait non, je préfère pas. Bon, ok. Mais il t'a payé ou pas? De quoi? La passe. Mais non, je n'ai pas payé. Ah d'accord. Ah bah, c'est pour ça qu'elle n'a pas pris. C'est pour ça qu'elle n'a pas donné le numéro de téléphone. Bah voilà, on a la réponse maintenant. Bon, Talia et Soraya, merci en tout cas d'avoir appelé. Je vous fais des gros bisous les filles. Ouais, gros bisous. Je te fais une dédicace. Vas-y Talia, une seule personne, choisis la bonne. Ouais, bah moi je vais faire une dédicace à ma maman et puis au petit bébé qu'il y a dans son ventre. Et puis lui faire des gros bisous et souhaiter une bonne chance pour son accouchement demain. D'accord, ah demain donc, très bien. Elle va l'appeler comment? Alexis, quelle horreur, on l'a appelé Mickaël. Et mon petit frère s'appelle Mickaël. Ah, c'est ça, elle pouvait pas faire deux fois quoi. Ah bah si, Mickaël 2. Ainsi que mon beau-père. Eh ben voilà, ça c'est de la famille ça. Mickaël Junior. Eh ben ça c'est une bonne famille, ça c'est parfait Talia. Bon, je te fais des gros bisous en tout cas.

Oui. Ouais, t'as trouvé un accord avec le collègue? Quel collègue? Bah, le collègue... Hey, allez vous faire enculer! Avec le collègue pour venir chercher ton fils. Qui? Chercher qui? Bah, t'es son père ou pas? J'ai dit on me tutoie pas. Ouais, ouais, je sais, mais enfin bon, à un moment, faut payer, faut on venir chercher. On me tutoie pas! Allez vous faire enculer! Allez vous faire enculer, ouais, c'est ça. Bon, écoute. Allez vous faire enculer! Écoute, ce qu'on va faire, c'est comme on en a marre de se faire humilier par ces petits cons, nous on va rentrer, on laisse ton fils là et tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Hein. Oui, bah pas de problème, il est important, il a comme appelé. Bah d'accord, et bah tiens, je te le passe, de toute façon c'est son téléphone. Hein. Allez vous faire enculer, pardon. Rémi! Allô? Ouais? Bon. Et ton père, il vient même pas payer l'amende, dis donc, quel enfoiré quand même. Scandaleux. Ah non, mais t'as vu ça, il m'aurait laissé sur place. Exactement, tout, il t'aurait laissé galérer à la frontière. Mais carrément, mais carrément. C'est la radio, ça. Bah c'est oui. La radio. Il est jamais trop tard. Pourtant, je pensais qu'il allait remarquer plus vite avec le « allez vous faire enculer », mais bon, non, ça va marcher. J'espère rassurer maman. Eh, rassurez maman, là, avant qu'elle nous fasse une sacope. Sanglote, là. Je suis à quelle radio, je la connais, mais je sais plus. Oui, c'est Radio Puy Salène. C'est quoi? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, papa. Eh oui, ah. Bande d'enfoirés. Ouais, ah, t'as vu, on avait mis l'oseille sur les bruitages. Hein. Hélicoptère et tout. Hein. Eh ben, évidemment, évidemment. Allez. Bon, papa, comment il s'appelle le père? C'est Laurent. Ah, Laurent, très bien. Et il a l'habitude d'avoir les PV, le Rémi, là? Bah, il en a déjà eu, ouais. Bah, il a déjà eu, bah oui. Parce qu'en fait, là, on va lui... bon, là, il va en avoir un vrai, mais c'était pour mieux faire passer la pilule. Mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bon, Rémi, on va te filer le casque Beats by Dre comme promis. Tu vas gérer ça avec Sandro. Ouais, bon, allez, passe. Eh ben, salut à toi, passe une bonne soirée. Gros bisous. Bon, et si vous voulez faire un petit canular, il n'y a pas de problème. Hein, on remet le couvert quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Jordan qui dit putain, Mickaël, tu m'as tué de rire avec les allez vous faire enculer. Bah oui, bah, attends, j'étais en voiture, ouais. Allez vous faire enculer. C'est une voiture de sport. Ouais. Eh, j'étais avec l'Ozolib de Toff. Une très très belle auto. Attention, tuné et tout. Hein. Fabrice qui dit énorme le canular, j'ai même arrêté de bosser pour l'écouter trop fort. Ah bah merci Fabrice. Devers 45, la canular de ouf, vous avez déchiré mort de rire Toff et Polo en mode flic. C'est du beau surtout Toff. Mais Polo ça va, il gère un peu. J'aime bien. Coco aussi, la nouvelle expression de Toff, faire du rigolage. Oui, bon, après... Il est flic, hein. Il est flic de la frontière, ça veut rien dire. Et cela dit, il parle pas comme ça à la frontière belge. Ah bon? C'est dans le nord de Belgique. En même temps, tu devrais le savoir, t'es belge, espèce de mongol. Pierre qui dit c'est génial, il est génial, le canular, trop mort de rire. Et puis un message salut aussi, déjà rien que la réaction de la mère dès le début, énorme, vous gérez, c'est Judy Kell. Bah merci Judy. Et alors Mickaël, salut l'équipe, je m'appelle Lina. Une fois on m'a dit t'es aussi bonne que ma bite. Ah bah dis donc, un mec mignon, qui est bien classe celui-là quand même. Allez, restez sur Fun Radio, je vous repose la question pour les maillots de foot dans quelques secondes, restez bien là donc. On va récupérer également Omar et Adèle pour parler des séries et puis on va s'écouter le son de Saya qui arrive. Le chandelier va débarquer sur Fun Radio. Et c'est toujours 0-0 pour le match, ça a repris. Deuxième mi-temps, on est à la 48ème minute là, 0-0 sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, 23h10 sur Fun Radio. Là, je vous adore, je suis éclaté de rire. Pauvre papa. Oh, ça va. Il a rigolé à la fin. En même temps, il est parti avec un mais casque oui. Beats by Dre. Il n'y a pas non plus perdre. Adeline, 3 fois le canular. Ben, merci beaucoup. Et Jessie qui dit Mickaël, moi je suis né le 3 octobre comme Toff. Ça se trouve, c'est pour ça que mes rêves se réalisent pas. Toff me porte malheur. Peut-être. Ah, bah, y a non, peut-être il y a de fortes chances, effectivement, Jessie. C'est bien possible. Bah, désolé pour toi. Hein. Ouais, pardon. Je m'excuse. Désolé. Bon, allez, combien il y a d'étoiles sur le maillot de l'Argentine là? Si vous avez la réponse, vous envoyez je, J-E-U et la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 pour la Belgique pour repartir avec le maillot de l'équipe de foot de votre choix. Équipe nationale, vous choisirez l'équipe que vous voulez, le maillot que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Donc, combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot de l'Argentine? En gros, combien de fois ont-ils gagné la Coupe du Monde? Vous envoyez donc je, J-E-U et la réponse au 64-900. Je vous souhaite bonne chance au tir au sort. Juste après le polo contre le reste du monde, ce sera vers 23, bah à minuit, hein, disons minuit, comme ça sera plus simple. On tire au sort tout à l'heure, on écoutera le son de New World Sound, on l'avait demandé avec The Buzz, c'est ce qui va arriver. Et puis Sayak, on écoute maintenant, c'est Chandelier sur Fun Radio. Saya sur Fun Radio à l'instant, c'est Chandelier. 23h15, allez hop, dans un quart d'heure il y aura les appels malveillants, la dernière giclée d'appels malveillants d'ailleurs. Et Kevin qui dit, c'est encore Kevin et sa couille là, du retour du casino, on s'est fait plumer. Il nous faut un autre message bien puissant pour nous remonter le moral. Bah oui, mais quand tu vas dans un casino, de toute façon la banque gagne toujours. Hein, oui, c'est le principe du casino. Ouais, il faut pas y aller en disant je vais faire le hold-up, enfin sauf si tu vas armé jusqu'aux dents, mais je veux dire en règle générale, t'as quand même très peu de chances d'y arriver. Hein. Même si t'es armé jusqu'aux dents. Hein. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère. Et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Voilà, je t'en mets même un double. Ma main dans ta gueule aussi, tu vas l'avoir, non? Eh ben voilà, tu vas l'avoir effectivement. Ouais. Bon, et Guillaume qui a envoyé son petit message aussi là. Changez rien les gars, vous êtes aussi puissant que l'Allemagne hier. Bah ce serait cool ça. Ah, je vous kiffe, Mika. Est-ce que tu pourrais passer la belle vie d'Alonso? Trop moment de dingue depuis 2 ans avec vous. Bon, on est là depuis 1 an, Guillaume, hein, pas 2. Mais la belle vie d'Alonso, je ne sais pas ce que c'est, Guillaume, mais n'hésite pas à m'envoyer un mail avec la chanson si tu veux. Hein. Eric qui dit, le père, il était grave énervé tout à l'heure. Ah, bah, je confirme. Pierre aussi, encore un bon moment avec la blague et la course poursuite. Là. Félicitations pour 20 ans, l'équipe, continuez comme ça. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue très, très, très violent? Alors, très, très, très, très, très violent. Qu'est-ce que j'ai comme... J'en ai, hein, des très, très, très violents. Alors, attends... Qu'est-ce que je peux te mettre? Je crois que celui-là était pas mal. Mais que... putain, laisse-toi enculer. Ah bah oui. Merde. Ah bah oui. Allez, fais-moi moi ton cul. Voilà, il y a celui-là aussi. Va te faire enculer ta mère, je la baise par tous les trous. Hein? Elle aime la bite. Voilà, je pense qu'en termes de violence, je pense qu'on a, on y a été là. C'est bon. C'est plutôt pas mal. Bon, on va prendre Adèle le retour là. T'es là, Adèle? Allô, salut, c'est moi. Ouais, ouais, oui, je me doute bien. Adèle, qui est avec nous de Lyon, là, qui est accro à une série de filles, donc rappelle-nous le titre. C'est Vampire Diaries. Ah, ouais, Vampire Diaries, exactement. Oh, le bouffe. Et ouais. Et donc du coup, les gens te foutent de ta gueule, c'est ça? Ouais, y'a mes potes qui font, ouais, mais t'es gay et tout, ouais, c'est pour les meufs et tout, c'est pas pour toi. Ouais, enfin après, tu peux regarder un film pour les meufs, etc., sans pour autant être gay, hein, mais bon. Ouais, bah oui. Ah, parfois ça va avec, hein. Oui, bah parfois ça va avec, mais pas forcément à chaque fois, ouais. Bon, alors du coup, c'est quoi la série préférée de taf? Y a Californication que j'aime beaucoup. Ouais. J'ai commencé la dernière saison, elle est énorme. Ah bah moi je la commence quand je pars en vacances. Il faut que je sois tranquille et que je les enchaîne. Là, les 12 d'un coup. Que j'ai bien entendu acheté, bien sûr. Ouais, alors que Toff, tout est illégal. Hein, bien sûr, parce que lui c'est un gros port. Avec Damien le canulariste. Bah, bien sûr, il pirate, exactement. En même temps, elle n'a pas commencé encore en Europe. Hein, non, mais aux États-Unis. Oui, bah elle est finie. Là, j'ai attendu qu'elle soit finie pour regarder pour la faire d'un coup. C'est ça. Sinon, il y a 24, la dernière saison, elle est pas mal. C'est toujours les mêmes codes, mais bon, là, le fait qu'ils soient à Londres, ils ont refait le truc et tout, c'est pas mal. D'accord, oui, en fait c'est exactement la même chose. Sauf qu'ils sont à Londres. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ils roulent dans le mauvais sens. Ah, tu sais, je supporte pas cette série, ne comprends. Enfin, au départ, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, cette espèce de roue là, avec son flingue? Après, j'ai regardé. Il tire sur tout le monde. Et puis j'ai zappé, après, je dis, vas-y, nique ça. Ouais. Ah mais c'est ça, c'est-à-dire dans la dernière saison c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut tuer le président, il y a une taupe à la CIA, comme d'hab quoi. C'est les mêmes codes que d'habitude, mais je trouve elle est bien foutue là. Sauf que là c'est en Angleterre, elle veut tuer la reine et c'est le MI6. Non, c'est pareil parce qu'en fait le président des États-Unis est invité, est à Londres, machin, une histoire. Et il y a un mec qui veut buter le président. voilà. Et comme Jack Bauer a déjà sauvé 107 présidents, mais c'est toujours lui le terroriste et tout le monde veut sa peau. Donc voilà, bon bref, c'est 24 quoi. C'est 24, mais j'aime bien. Et toi Polo? Moi j'aime bien Californication aussi, ouais. Parce que j'aime bien le délire, j'aime bien le mec, tout est beau là-dedans, et j'aime bien Dexter. Porsche. J'aime bien la Porsche. Dans Californication. Et j'aime bien les meufs qui pécho, et j'aime bien le Dexter, et puis How I Met Your Mother. Voilà, bon, How I Met Your Mother, moi je l'ai fini. Moi, celle que je bois, Californication, on est d'accord. Banshee, j'adore. Ah ouais, c'est énorme. Il y avait aussi évidemment. Doctor House. Doctor House, j'adorais aussi. Et l'autre là, avec Samet, là, putain, je l'ai vu en plus. Avec Samet. Avec sa méthamphétamine. Breaking Bad. Oh, oui. J'ai adoré Breaking Bad. Banshee, je vous la conseille aussi parce qu'elle est quand même assez violente en termes de. Elle était violente. Et alors, Under the Dome, j'aime bien aussi. Suits, j'aime bien aussi, que je regarde. Il y a True Detective aussi. Si vous voulez regarder une série complètement barrée où vous comprenez rien sur au moins 4 épisodes, mais t'es pris dedans direct, c'est énorme. Je crois qu'il est dire trop du cul. Trop du cul qui fonctionne aussi pas mal. Mais par contre, ouais, c'est deux trous du cul, les mecs. Hein. Mais elle est vraiment bien foutue. Breaking Bad, il y a une scène qui m'a choqué. C'est quand il veut se débarrasser du dealer dans la alors le con et mec il met une dans la baignoire dans la il passe au travail et énorme parce que ce mongol l'autre il lui dit d'acheter des bassines en plastique spécifiques parce que ça fond pas et ce mongol il fait tout ça et en fait tout a fondu, c'est-à-dire que tous les étages, c'est horrible. Avec des morceaux. Regardez-la si vous pouvez, Breaking Bad. Les deux premières saisons sont un peu lentes et on se dit putain, c'est chiant. Mais après, ça démarre et c'est au top. T'as vu ou pas Breaking Bad, toi, Adèle? Ouais, non, je l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore vu. Ah ouais, mais toi, t'as regardé. Gossip Girl et tout ça, toi. Non, t'as vu l'épisode où elle achète les chaussures rouges? Ouh. Ouais, et en fait, c'était la guerre parce que l'autre, elle achète la même chaussure en rouge. Oh la bleu. Salope. Tu sais, quand elle ramène son Starbucks Coffee, là, et elle court dans New York. Son Starbucks. Tu te souviens de ça ou pas? Non, moi, je regarde Under the Dome, How I Met Your Mother. Under the Dome, j'aime bien. How I Met Your Mother, j'ai tout vu aussi, ouais. Once upon a time, mais c'est des trucs de meuf, Grey's Anatomy. C'est un truc de meuf. Eh si, mec. C'est sur l'hosto. Pas de Breaking Bad, pas de Californication, pas de Dexter, pas de sang, pas de violence, que des trucs de meuf. De quoi? The Walking Dead. The Walking. Ah ouais, ça j'ai pas vu. Walking Dead. C'est aussi un truc de meuf. Non, je suis pas trop fan, c'est sérieux, hein, j'ai jamais regardé, hein, juste le résumé, on m'en a parlé, j'ai pas envie, je suis pas comme Game of Thrones, j'ai pas envie de... Bof, ça va, franchement ça va, c'est des bonnes séries, mais après voilà... Ah mais j'ai pas dit qu'elles étaient pas bonnes, j'ai dit que moi ça m'intéressait pas plus que ça quoi. Après ouais Under the Dome, moi j'ai bien aimé aussi les Lost, même si sur la fin c'était un peu relou, mais ouais les Lost j'ai bien aimé aussi. Et bah tu savais que dans les Lost il y a l'acteur de Vampire Diaries. Yann Somerhalder. Ouais, mais te trouve pas des excuses pour devenir un homme. Mec, t'es une meuf. Ouais, tu sais que dans cette série, il y a celui-là et celui-là aussi. Ouais, bien sûr. Bon, attends, il y a Omar qui est avec nous de Romainville dans le 9-3. Salut à toi, Omar. Ça va, tranquille. Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, alors, c'est quoi ta série préférée, toi? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde la même série que l'autre, mais ma série préférée, là, c'est The Wire. The Wire? C'est quoi? Ouais. Ça se passe à Baltimore, en fait. À Baltimore? Ouais, alors? Attends, tu as le kit main libre ou le haut-parleur? Non, il est undercover. Ah non, parce que je comprends pas très bien ce que tu dis, comme si tu t'éloignais, tu te rapprochais, c'est bizarre. Enfonce-le plus dans ton yonf, on va voir si ça va marcher. C'est une expérience scientifique. Ouais, on t'entend, ouais, vas-y. Ouais, ce que je disais, c'est en fait, ils sont à Baltimore et ils doivent enquêter sur des dealers. Non, c'est bien fait quand même. Ouais. Ah oui! Et comment tu m'as dit que ça s'appelait? The Wire. The Wire, d'accord, ok. Ouais. Je vais aller regarder, tiens, pour voir The Wire. Pourquoi pas. Non, c'est pas mal. Les saisons, elles sont bien. Il y a Banshee aussi que j'ai regardé. Qui ça? Banshee. Ah, Banshee, ça c'est. C'est du cul, c'est de la violence. C'est gratuite en plus. Tout est gratuit là-dedans. Les doux, ne regardez pas cette série, je vous l'interdis. Mais vous savez, attends, je m'excuse, tant mort, je fais mon mea culpa. Moi, j'ai aussi une série de gonzesses comme ça que j'adore. La petite saison dans la prairie. Ouais, c'est vraiment plus. Avec Charlie Gals. Mais j'adore ça. Madame Olson, Albert, putain, il y avait tout dedans. Monsieur Olson, Laura. Oh, j'adore. Oh putain. J'adore la petite maison après. Attention, et là. Et là, il y a Laura qui arrive. Laura Ingalls. Et qui tombe dans la prairie. Non, c'est pas exactement. Ouais. C'est pas Laura, c'est Carrie. Ah, c'est Carrie. Ouais. Alors pour ceux qui évidemment non. pour ceux qui l'ont jamais vu, rassurez-vous, si ça ne passe pas cette année, ça passera l'année prochaine sur M6 à 12h30. Ah oui, mais c'est une année sur deux, c'est la maison de la prairie ou alors l'autre avec son nez magique là. Ma sorcière bien aimée. Voilà, c'est génial. Ah bah oui, là, c'est clair, ça c'est sûr. Moi, tu vois, moi aussi j'ai ma série de gonzesses. Ouais, j'ai pas. Pour moi, la meilleure série, c'est Breaking Bad. Ouais, mais je veux pas dire ce que tu viens de dire. Il dit c'est trop énorme, mais ceux qui l'ont pas vu, du coup, ça va foutre la merde. Mais heureusement, t'as de la chance que j'ai vu toi jusqu'à la fin, sinon je t'aurais pourri, mec. Parce qu'on dit quasiment la fin. Eh oui, je viens de le voir. Bah oui, putain. Ah, tu l'as pas vu toi la fin? Bah non. Ah, tu l'as pas vu. Putain. Ah, mais non, je l'avais pas vu. Je vais entamer la mais deuxième c'est saison. C'est pas la fin, ça. Il y a encore une saison après, hein, donc ça va. C'est pas non plus c'est pas la finale, quoi. Oh, l'autre, il est en train de me niquer le truc deux fois. Mais non, mais voilà. Quand putain. Celui-là n'est plus là, il se passe encore des trucs, quoi. Bah, il se passe encore des trucs. En même temps, si t'étais plus rapide aussi, ça fait 1000 ans que je t'ai filé la série en DVD. Et ah oui, mais attends, c'est légal, on l'a acheté. Voilà, bien sûr. Contrairement à ce con Toff. Ce connard de Toff qui pirate tout. Tout. Bah oui, alors. Bah ouais, bah voilà, mais c'est mal. Bah oui, il est content, ça bah oui. Ah, nickel. Ouais. Dis-moi pas que t'as jamais regardé Desperate Housewives. Non, jamais, non. Ah non, on nous regarde pas ça. T'en as entendu parler. Oui. Des gonzesses aussi. Non, mais entendu parler, évidemment que j'en ai entendu parler. Mais regarde. Ah non, j'ai jamais regardé, non. Rien. Ah non, Desperate Housewives, non. C'est vraiment une gonzesse, hein. Ah ouais, ouais. Non, mais en plus, je te jure, dans la série que j'aime, que j'adore, il n'y a pas que de l'amour. Il y a du sexe, il y a du sang, il y a la tuerie, il y a... Il y a du sexe, il y a du sang. Non, mais il y a tout, je te jure, il y a tout. Mais c'est pas que de gonzesse. D'accord. C'est pas mal. Non, mais d'accord, mais je veux bien le croire. Hein. Tiens, dites-nous d'ailleurs, c'est quoi vos séries préférées, celles que vous regardez, celles que vous kiffez le plus, là? Vous envoyez M-I-K-L et votre message, vous envoyez ça au 64-900, voilà, par SMS. Alors, il y a Jordan qui dit une série que j'aime bien, c'est Hawaii Five-O. Ah ouais, j'aime bien aussi, ouais. Nina, ah oui, la meilleure série, c'est Grey's Anatomy. Bah, pour une fille, oui. Jojo aussi, moi je kiffe Vampire Diaries, Grey's Anatomy, Victor House. J'imagine que c'est Doctor et le truc à corriger. Aussi, j'aime bien. Ouais, j'aimais bien aussi, moi, c'est vrai. Roxane aussi. Il y a aussi Revenge qui est bien. Les experts Miami, Manhattan, ouais, même Las Vegas. Oh, ils m'ont un peu saoulé, les experts, là, pour le coup. Hein. Laurine, pour moi, le mieux, c'est Walking Dead. J'ai pas été trop fan de Walking Dead, moi. Californication, non. Ouais, je suis dessus. Bah, Suits, ouais, et puis Under the Dome. Ouais, que j'aime bien aussi, c'est vrai. Faut dire. Ouais. Dites-moi, série préférée, c'est Heroes. Ah, j'ai regardé au début, mais c'est devenu chiant après, Heroes. Et puis Nico qui dit, mes séries préférées, c'est Alice Nevers et Profilage. Putain, à 19h c'est dur quand même. Hein. Ouais, profilage aussi. Hein. Ah ouais, mais enfin, ouais, Alice c'est encore pire. Hein. Bon, attendez, il y a Youssef qui va réagir aussi par rapport aux séries là. Appelez-nous pour nous donner vos séries préférées là. Vous balancez votre message maintenant. Et Mickaël et votre message au 64-900. Ou alors vous nous appelez directement au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Restez là, Omar et Adèle. On va revenir dans un instant. C'est toujours 0-0 pour le match entre la Hollande et l'Argentine. C'est la 67e minute. Et dans le studio, il y a deux auditeurs qui sont passés là à nous voir. On avait fait les pronostics. Qu'est-ce que j'avais dit? Je sens bien un match nul et des prolongations. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Non, mais pas du tout. Je ne vois pas ça du tout. On verra. Reste 25 minutes. Rien n'est joué. On verra. Tiens, il y a Neven aussi qui dit moi aussi, j'aime la petite maison dans la prairie. Oh là là. Oh mon Dieu. Bon, allez, on l'avait demandé tout à l'heure, le son de New World Sound avec The Buzz. On va se l'écouter tout de suite. Juste après, il y aura les appels malveillants, la dernière giclée pour ce soir. Hein. Donc, si vous n'avez pas encore écouté, si vous venez de débarquer, eh ben, ça va arriver. New World Sound maintenant, The Buzz sur Fun Radio. Let's go. On l'avait demandé tout à l'heure, le son de New World Sound. C'était The Buzz sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio, là, tous les soirs. On est là sur Fun, 20h minuit. Profitez-en bien d'ailleurs avant les vacances. Et puis, je rappelle qu'il y a toujours les maillots de foot à gagner. Maillots de l'équipe de votre choix, si vous avez la réponse à la question que je vous pose là. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot de l'Argentine? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez. Bah, visiblement, vous galérez un peu, donc je vais vous faire quelques propositions comme on faisait au tout début où on filait des maillots. Hein. C'est pas compliqué, vous envoyez JEU, J-E-U, puis vous mettez 1, 2, 3 ou 4. Voilà, enfin, absolu, c'est ça. Hein, donc simple. 1, 2, 3 ou 4, combien d'étoiles y a-t-il sur le maillot de l'Argentine? 1, 2, 3 ou 4 étoiles, vous envoyez je et la réponse au 64-900. Et si vous êtes tiré au sort dans une même pas 30 minutes, eh bien vous repartirez avec le maillot de l'équipe nationale de votre choix offert par Fun Radio et Pro Direct Soccer. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. C'est toujours 0-0 entre la Hollande et l'Argentine, justement. C'est la 73e minute de jeu, donc. Et on continue à parler des séries dans quelques minutes. Le temps de faire le dernier appel malveillant, dernière giclée. Allons-y. Ah oui, avec un auditeur qui nous a dit hier qu'il était bon pour la santé de péter. Oui. Résultat, on a décidé qu'on utiliserait ce magnifique thème pour les appels malveillants de ce soir. Et pour vérifier si les gens sont en bonne santé, du coup. Bien sûr. Donc on y va, c'est parti. On appelle maintenant grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez hop, on y va, on appelle. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, en fait, je vous appelle parce que je veux savoir combien de fois vous pétez par jour. Oh, vous êtes un con. Mais pas du tout, madame. Vous savez que j'ai des enfants qui dorment. Bah oui, mais ça vous empêche pas de répondre aux questions, madame. Oui, vous êtes un connard. Mais pas du tout, enfin, madame. Oui, vous êtes vraiment un connard. Mais non, enfin, pourquoi vous me dites ça, madame? Oui, bah j'appelle mon mari, vous allez, bah, vous... et j'appelle la police, vous allez voir. Mais pourquoi vous voulez faire ça, madame? Oui, parce que vous êtes un connard. Parce qu'on n'appelle pas chez les gens avec les enfants qui dorment. Bah oui, mais répondez à ma question, madame, ça ira plus vite au lieu de crier. Ouais, et puis en même temps, dans l'annuaire, on sait pas, quand on prend dans l'annuaire ou dans les mails, on sait pas s'il y a des enfants qui dorment. Oui. Voilà. C'est... Forcément, c'est un peu con comme réponse. Bon, on va quand même la rappeler, hein. D'accord? Mais oui, elle a mérité. Voilà. Et but. Petit filet de Gonzalo. Ah non, putain, c'est le petit filet de Higuain pour l'Argentine. Donc bah 0-0. Alors hop là, voilà, 0-0. On y va, on rappelle la petite dame là avec les enfants qui dorment, soi-disant, hein. Genre à 15 km de son téléphone. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme et en fait je lui demandais combien de fois vous pétez par jour. Mais ça te regarde en quoi, petit con? Bah c'est juste pour savoir monsieur, c'est pas la peine d'être désagréable. Mais on téléphone pas aux gens, on demandait combien de fois ils pètent par jour, connard. Bah bien sûr que si monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Eh ben voilà, ben on en saura pas plus, hein. Eh ben voilà, non, ça c'est fait. Je suis déçu, Eh ben on en fera d'autres, hein. Si vous avez des numéros de téléphone, on en fera d'autres dès demain à partir de 20h. Si vous avez des numéros de téléphone à balancer, si vous voulez qu'on appelle des amis ou des ennemis, rassurez-vous, on ne donnera pas votre nom, ça reste anonyme évidemment. Bah vous nous envoyez ça sur le mail tof toph@funradio.fr. Bon bah du coup toujours 0-0 entre la Hollande et l'Argentine. Et puis on va récupérer Adèle qui est toujours avec nous. Adèle. Ouais, j'étais toujours là. Bon, qui nous avait appelé parce qu'il regardait séries féminines, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah il y a ses potes qui se foutent de sa gueule. Je vous avais d'ailleurs du coup demandé quelle était votre série préférée. Il y a Maria qui dit American Horror Story, série parfaite. Lena qui dit non, mais la meilleure série c'est Miss Fist, pas très connue. Je te confirme, effectivement. C'est pas ce que c'est. Mais Fist, je trouve ça doit être pas mal. Je n'en doute pas. Greg qui dit moi j'aime bien FBI, lieu très spécial. Putain, ça c'est un truc. J'aime bien, c'est sympa, c'est rigolo. Mais... pourquoi doivent-ils traduire les noms quand ça veut rien dire? Le titre original c'est White Collars, ça veut dire les cols blancs. Pourquoi ils appellent ça FBI duo très spécial? Rien que ce nom de merde, ça ne te donne pas envie de regarder la série, tu te dis que c'est un. Tu sais, c'est une série de merde. FBI duo très spécial. Ouais, j'avoue, ouais. Non mais c'est vrai, appelle ça col blanc si tu veux le mettre en français, si tu veux à la limite. Ou FBI, enfin j'en sais rien, mais FBI duo très spécial. Je trouve ça ridicule. J'ai failli pas regarder. Et un jour j'ai pas eu le choix, je tombais dessus, je me suis dit, oh finalement c'est sympa, donc j'ai finalement regardé toutes les séries. Non mais je veux dire, il y avait que ça, donc je me suis dit je vais regarder quoi. Lorraine qui dit Falco, j'aime bien. Il y a Wadeg qui dit bonsoir à tous. Wadeg du Canada, la meilleure série pour moi c'est Supernatural. Ah j'ai pas vu. Ah ouais, ça aussi c'est bien. J'ai pas vu. Mais j'aime pas tous les trucs un peu science-fiction. Mais non, ça. Parce que c'est les deux espèces de beaux gosses qui passent leur temps à essayer de tuer des vampires, des monstres, ouais, et voilà. Tout là, c'est naze. Mais tout ce qui est vampire, tout ça, je suis pas fan moi. C'est glauque pour rien, ouais. En plus. Roxane qui dit vous cartonnez les gars, ne changez rien, mais à part contre Toff, l'accent belge, tu aurais pu faire mieux. Ouais, alors ça c'est vrai. Je travaillerai. Que belge, t'aurais quand même pu faire un minimum d'effort. Je vais travailler. Bon, il y a Marilène avec nous maintenant de Laval en Mayenne. Salut Marilène. Salut Mickaël. Comment ça va? Mais ça va. Bon, c'est quoi ta série préférée? Alors moi c'est Lost et Breaking Bad. Ah oui. Franchement, il n'y a pas que. Et Supernatural. Donc ah, follow ta gueule. Non, toi ta gueule. Mais attends, regarde, je lui en mets une dans sa gueule, tiens. Hop là, voilà. Voilà. Et un coup de pelle aussi. Bien sûr, dans la gueule de Polo, il est entendu comme la claque. Tu dis Adèle? Une de ma part, s'il te plaît, Mickaël. Bien sûr. Voilà. Ah, merci. Alors, bon, bah, Supernatural, non, hein, c'est pas mon avis, mais pour le coup, effectivement, Lost et Breaking Bad. Ah, bah, Breaking Bad. Évidemment. Base, Breaking Bad. Ah ouais, j'ai adoré la série, moi, sincèrement. Comme je l'ai déjà dit, hein, le début, c'est un peu lent, mais après, ça démarre et c'est une tuerie. Mais même pas, hein. Moi, si, ça, quand ça va encore. Moi, je trouve franchement, il y en a des pires hein, où le début est vraiment plus long que ça. Ah, non, bah, c'est vrai, la première saison, elle est un peu longue. Ouais, elle est un peu lente. Il y a Six Feet Under, hein, moi que j'ai bien aimé aussi, mais c'est un peu lent là. Là, pour le coup, c'est ça n'avance jamais. Toutes les saisons sont lentes. En fait, Six Feet Under, c'est avec Dexter. Oui. Voilà, enfin Michael, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est Dexter qui joue dedans, mais c'est un de ses premiers rôles dans une série et il a un des rôles principaux. Hein. Donc c'est pas mal. Mais voilà, donc si vous voulez voir Dexter dans un autre rôle qui n'est pas du tout celui-là, d'ailleurs il est gay dans la série, il est croque-mort un peu comme Anthony Charleroi. Et donc voilà, donc c'est pas mal. Il y a Hugues aussi avec nous dans le Var. Salut Hugues. Salut Mickaël. Comment tu vas? Bien. Ou un doux? Non. Ah si. Et justement, je voulais devenir doux. Ah ouais, mais t'es hindou là, t'es pas officiel, mais t'es hindou. Oui. Ah, il me semblait bien. Bon, c'est quoi ta série préférée? C'est Donald Duck. Pardon? Donald Duck? Non. Dora l'exploratrice. Dora? C'est pour rire. C'est Downton Abbey. C'est quoi? Hein? Ah, c'est une nouvelle série, c'est pas mal. C'est une série. Non, mais c'est quoi? Ça raconte quoi? Bah, c'est une histoire d'une famille anglaise avec un château. Oh, ouais. Putain, et tu regardes ça? Mais c'est genre 1900. Hein, c'est et dis-moi, le moment le plus dur, c'est quand ils prennent le thé à 4h, c'est ça? The time of the tea o'clock. Ouais, c'est ça. Non, c'est quand ils ouvrent la porte du château. Oh, what do you want, sir? Do you want a cup of tea? Oh, yes, with a cake. Yes, with the potatoes. With a pudding. With a pudding. Pudding and potatoes, okay, please. The porridge. Voilà, okay. Le porridge. Bon, et donc toi, t'aimes bien, Hugues. Et ça passe sur quelle chaîne? Non, en fait, c'est des petits épisodes, quoi, mais c'est comme une série. Mais ça passe sur. En Belgique, ça passe sur RTL, mais ici, je sais pas. En France, je sais pas. Ah d'accord. Bon, bah, écoute, très bien. Bon, on n'en saura pas plus. Si vous le savez, dites-nous, comme ça on peut passer le message. Reste avec nous. Sur France 4. D'accord, ok. Bon, et sinon, Hugues, quoi? Et sinon, je regarde FBI avec mon père. FBI, Portée disparue ou duo très spécial ou quoi? Portée disparue. D'accord, ok, ouais, très bien. Oh, moi, celle qui m'énerve le plus, c'est avec les viols. Quand ça fait New York Unité Spéciale. New York, putain, c'est glauque cette série. Ouais, mais je sais pas comment on fait pour les gens. Oh là là, putain, c'est que de la glauquerie. Et c'est pas la violence, parce que Breaking Bad c'est violent, mais c'est drôle. Il y a tout ouais, un délire y a, derrière. Y a du drôle. Mais dans New York Unité Spéciale, oh, putain, ça. Tu regardes cette série, t'es en déprime quoi. C'est du viol et de la tristesse et du viol et encore du viol. Oh, mais quelle horreur. Putain, c'est mais dur. Ils sont quoi. À la genre 12e saison, un truc comme ça. Ouais, c'est... ouais. Après, dans les séries chiantes aussi, il y a Amour, Gloire et Beauté, tout ça là. Ils sont à la 167e année là. Donc, ils ont été inventés avant la télé. Non mais c'est vrai. Non mais attends, c'est un truc de dingue. Avant c'était au théâtre et après c'est voilà. Ça a continué à la télé. Et d'ailleurs c'est une des seules séries hein, où personne ne verra jamais l'intégralité parce que quand ceux qui ont commencé ne sont plus là ouais. Et ceux qui termineront bah, n'ont pas eu l'occasion de commencer puisqu'ils n'étaient pas nés. Ah ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai hein, quand même. Bon, il y a Adrien avec nous là de Bordeaux. Salut Adrien. Salut Mickaël. Ça va le Bordelais? Ouais, tranquille. Bon bah tant mieux. Alors, bienvenue Adrien. Donc toi, c'est quoi ta série préférée? Moi, ma série préférée, c'est Supernatural justement. Donc tu peux te mettre un bon coup de pelle. Ah c'est pas moi, ouais. c'est un peu lourd. Moi je dis que je connaissais pas et que ça m'intéressait pas plus que ça. Mais j'ai pas critiqué, j'ai non, pas dit que c'est moi, la merde. Moi j'ai critiqué parce que j'ai regardé. Et le problème de cette série, à part les deux, parce que c'est des beaux gosses, ils sont un peu fashion avec leurs blousons en cuir et leurs belles bagnoles, mais c'est tout en fait. C'est glauque. Bah oui, voilà. L'ange de la claque, les gars. Arrêtez. Le truc, c'est qu'en fait, il dénigre tout ce qu'on sait déjà sur le surnaturel, quoi. Eh bah ouais. Bah ouais. Tout ce qu'on pense savoir, c'est pas vrai. Et c'est ça qui est bon. Ça, c'est très bon. Ouais, bon, après. Bon, sinon, il y a Alf que toi, t'aimes bien. C'est sa série préférée. Hein. J'adore. Mais j'adore Alf. T'es sérieux? Mais oui. Il y a deux séries que je déteste au monde, c'est Alf et l'autre con, Bundy, là. Al Bundy. Marier deux enfants? Ah c'est ouais, possible. Non, ça, ah oui. Ça c'est de grosses merdes. Oh là, ça je déteste. Ouais. Ça c'est bien deux séries de grosses merdes. C'est à la maison aussi que je déteste. Ah ouais, ça. Ah toutes les séries que ma sœur regardait, il y avait les années collège. Oh là là. Beverly Hills. Sauvé par le gong. Eh n'empêche, dans Sauvé par le gong, il y avait quand même Tiffany Amberton. Qui était méga bonne. Qui était une pure bomba là, je peux vous dire que. Et qui après est passé dans Beverly Hills. Et qui après est passé dans Beverly Hills. Ouais, ouais, il y a un aussi qui cartonne. Le Big Bang Theory pour Kelly Cuoco, j'ai entendu parler. Oh là là là là là là là. Mais dans Big Bang Theory, bon la série, ouais, sympa, mais c'est un peu chiant quand même. Mais je trouve qu'elle. Bon, elle est bien, mais elle est pas aussi bien que sur les photos que tu trouves sur Google. Parce que putain. Ah bon? Ah bah mec. Il faut que tu tapes sur Google, tu tapes. Comment c'est encore à chaque fois j'oublie son nom. Quoi, elle est quoi il est Kuoko, un truc comme ça. Elle a un nom hawaïen, je crois. Hein, c'est ouais, ça, c'est ça, elle est hawaïenne. C'est pas du tout non, ça. Non, c'est pas du tout. C'est son père, enfin, je sais plus quoi, mais. En tout cas, elle a un nom. Mais elle s'appelle pas comme ça, c'est un pseudonyme. Ah, d'accord, ok. Parce que, en tout cas, ce pseudo sonne hawaïen, elle est Kuoko. Mais bon, bref. Il y a quelque chose aussi dans le gore qui est pas trop mal. C'est Kylie. Kylie. Ah, Bones. Ouais. J'ai commencé à regarder, ça m'a saoulé. Dans le gore, c'est pas mal quand même, hein, parce que là, ils retrouvent des cadavres en état de décomposition. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'ai commencé à regarder, moi, ça m'a saoulé, Bones. Moi, c'est justement, moi, c'est Lana qui me fait kiffer, en fait. Ah ouais, bof. Ouais, je sais pas, bof. Si, son côté un peu dark, un peu glauque, là, j'aime bien. Oui. Il y a aussi une autre série, c'est Chuck, je sais pas si vous connaissez. Un mec de la CIA, enfin, de la CIA. Chuck. Ah oui. Ah oui, Chuck, oui, carrément. Et c'est pas Chuck, ah si, c'est Chuck. Si, c'est Chuck. Le nom de la série, c'est ça, c'est Chuck? Ouais, un mec, qui est dans un magasin d'informatique et puis finalement, il y a une bombe de meuf qui débarque et il fait partie de la CIA, etc. Non, c'était un Best Buy ou un truc comme ça. Best Buy, c'est la vraie marque. Oui. T'as les résumés de séries avec vous, ça va vite quand même. Bah t'as vu, hein. Je rappelle que t'as une bande de meufs qui débarque et en fait il est de la CIA. En gros c'est ça, ouais. Donc Kylie, elle est à moitié italienne, à moitié allemande. Ah et, bon. Ouais. Ah et... vive l'Allemagne. Et bien je supporterai l'Allemagne en finale. Et Toff, allez la Mannschaft. Oui, 7-1, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui. Toff en fait a oublié qu'il était fan de X-Files. Oui, c'est vrai. J'adore X-Files. Moi j'ai pas aimé. Par contre la seule que j'ai aimé dans le, c'est pas vraiment dans le style d'X-Files, mais dans le... Alors que j'aime pas la science-fiction, il y a Fringe. Sinon, dans les séries françaises, il y a Engrenage qui est juste énormissime. Oh, moi j'ai du mal avec les séries françaises. Ouais, mais ça a rien à voir. C'est de la merde. Sinon, il y a une toute nouvelle aussi là. C'est quoi? Au staging. Ah, au stage? Ouais. Ah, au stage. C'est pas mal aussi. Ouais. J'ai pas vu encore. Bah, moi j'ai vu la version israélienne et. Genre le spécialiste. Tu comprends, j'ai vu la version 1930. Non, parce qu'en fait c'est sorti quasiment en même temps. C'est les mêmes producteurs qui ont fait une version américaine, une version israélienne. Et la version israélienne. Et parce que les mecs en fait connaissent pas les doubleurs. Donc ils ont dépensé deux fois l'oseille. Non, mais justement, c'est que la série, la version américaine, c'est vachement dans le même style que Jack Bauer. C'est hyper violent avec blindé d'action. Alors que la version israélienne est super. Ouais, grave. Ah ouais? Ah ouais, j'ai pas du tout aimé. J'ai regardé les 5 premiers épisodes et après j'ai fait ouais, c'est bon, vas-y. Ah bah, je regarderai la version US, tiens. Bah, merci en tout cas tout le monde d'avoir participé là. Donnez-nous vos avis encore, hein. N'hésitez pas là. Merci Adrien. Juste une petite dernière là. Vas-y Adrien. Une qu'on n'a pas entendue encore, c'est Esprit criminel. Oui, c'est normal. Ah bon, pourquoi? Bon, ça c'est pareil, c'est une série de meufs. Elles sont toutes fans du black là, je sais plus comment il s'appelle. Morgan. Ah, le métis là? Ouais, Morgan. Mais non, mais justement, elle est énorme. Cette série, franchement, elle est vraiment sympa, quoi. Pourquoi pas? Moi, je suis pas fan, mais voilà, après, pas. Moi, je suis tombé amoureux de Morgane aussi, mais. Ouais, mais toi, tu regardes des séries que pour. Parce que t'es amoureux des meufs, toi, c'est pas pareil. sauf que Morgane, en fait, c'est le Renoir, mais bon, après. Ah merde, pardon, je pensais que tu parlais d'une meuf. Mais j'ai pas vu la série, moi. Ouais, merci. Bon, mais, on s'appelle en vrai. Merci en tout cas, Adrien, là. Merci à Marilène également, là. Merci Hugues, merci Youssef et Adèle, merci à vous tous. On va revenir dans un instant, dernière ligne droite, avec la dernière question. La dernière fois que je vous pose la question, pour repartir avec le maillot de foot de l'équipe de votre choix. Vous restez sur Fun Radio, on revient dans quelques instants avec vous toutes et vous tous en direct pour la dernière ligne droite. Et puis toujours 0-0, c'est la 87e minute du match, je l'avais dit, 0-0 prolongation. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio, 30 secondes encore dans le temps réglementaire là pour l'Argentine face à la Hollande. Et ça a failli d'ailleurs un but hein, pour la Hollande là. Et là hors jeu, donc il reste 15 secondes. À mon avis, ça va continuer au tir au but, aux prolongations d'abord. On va voir comment ça va se passer. Décidément, c'est le mondial de la prolongation. Hein. Que de la prolongation là. C'est bien comme ça, ils rentabilisent les stades. Ah bah ouais, ça leur a c'est coûté clair. Tellement cher de les fabriquer. Ah bah tu m'étonnes. Bon allez, si vous voulez repartir avec les maillots de foot de l'équipe de votre choix d'ailleurs, dernière chance pour vous là maintenant de répondre à la question. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot de l'Argentine? 1, 2, 3 ou 4. Enfin 1, 2, 3 ou 4. Le nombre d'étoiles signifie le nombre de fois où ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc vous envoyez simplement jeu, J-E-U espace la réponse au 64-900 par SMS. Et si vous êtes tiré au sort dans 5-6 minutes à peu près, juste après pour le contrôle reste du monde, et eh bien vous repartirez tout simplement avec le maillot de l'équipe de votre choix offert par Fun Radio et par Pro Direct. direct soccer. Alors, Eric qui dit, il n'y a pas mieux que Suits. Ah ouais, j'adore Suits, moi. C'est un truc d'avocat, mais un avocat ouais, un peu barré. Ouais, j'ai regardé un ou deux épisodes, c'est pas mal. Hein. Ouais, j'aime bien Suits, c'est cool. Je demande pour la cinquième fois un message de bienvenue. Aurais-je une réponse? Je continuerai demain soir tous les quarts d'heure entre 20h et minuit jusqu'à ce que j'ai enfin mon message de bienvenue. Ouais, Lucas, je vais te le mettre le message de bienvenue. Alors attends, je peux pas lire tous les messages aussi, évidemment. Hein. Alors attends, attends. C'est une pauvre merde. Oui, bah, c'est pas celui que je voulais mettre. Attends une seconde, je vais mettre celui-là. Je te prends un coup de pied au cul et comme ça, je te jure que ça va te passer envie de chier quelque part. Espèce de gros bâtard que tu es. Voilà. Vous avez oublié le plus important, Joséphine Ange Gardien dans les séries. Bah oui. Amandine Debussy qui dit moi ma série préférée c'est Plus belle la vie. Ah bah ça je peux pas. Hein. Romain, j'ai bien aimé la série Carlos. Cédric aussi, je n'ai aucune série, moi c'est fou. J'aime aucune série. Ah ouais, moi j'adore regarder les séries. Autant les films, bof. Mais les séries, ouais, j'adore. Et la série préférée de Toi Foot Polo, je sais pas, ça doit être Chips, non? Mais moi j'adorais, ouais, j'adorais, j'aime bien. Avec Ponchirello. Mais ouais, mais c'est vieux, ouais, mais j'aime bien. Vieux, ouais. Et Mickaël qui dit, j'ai la gastro, le problème c'est que je me suis fait dessus. Alors que ma copine dort à côté, je fais comment pour nettoyer sans laisser de traces et sans la réveiller? Ah bah c'est impossible, Mickaël. Hein, c'est pauvre con, va. Il parlait de nettoyer le lit. Ah, il a chié dans le lit. Bah oui, dans le lit, c'est pour ça, ouais. Bah oui. Étale sur ta copine et tu dis que c'était genre. Ouais, tu dis que c'est la couleur des draps. Voilà. Ben voilà. Non, tu dis qu'elle a une maladie de peau. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, balancez vos messages encore là. N'hésitez pas, on fait polo contre le reste du monde. Oh, bah allons-y. On va y aller. Puis on appellera le gagnant ou la gagnante là dans quelques minutes. La gagnant ou gagnante du maillot de foot de l'équipe au choix. Ça y est, le match est pas terminé, mais en tout cas, les prolongations vont démarrer dans un instant entre les Pays-Bas et l'Argentina. Allez, c'est parti. Let's go. On y va. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue dans Polo contre le reste du monde, je suis Polo et voici le reste du monde et ce soir c'est gratiné parce qu'il y a tous les Mongols de la Terre qui sont là en commençant. Ah ils sont tous là. Hein. Par le roi de la planchette alias Brian. Brian, vas-y insulte. Ouais, ça va quoi bâtard? Vas-y, fais-toi un plaisir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a enculé? Vas-y, oh, je allez, te demander allez, un truc. Casse-toi bouffon, va. Le fou. Ouais, du bâtard. Ça va? Ouais, moi je te nique ta mère. Ah super, t'es intelligent toi. Ouais, paye ta mère. Hey, idiot, va. La douce fada, bienvenue. Oh, Polo, ça va sans ma gueule? Ouais, et toi? Ouais, je suis trop content, toi. Pourquoi, dis-moi? En fait, t'as vu, j'étais en train d'écouter Mickaël, normal. Ouais, pépère, et quoi, là, l'ancienne. Et là, il y a mon père, il m'envoie un message. Ouais. Il me dit, ouais, ta petite soeur, c'est moi, je viens de naître et tout. Oh, cool! Félicitations. En écoutant Mickaël, oh. Mais, hey, tu sais quoi, la dernière fois qu'on a vu ta mère, elle était pas enceinte? Non, c'est ma mère, ma belle-mère. Ah, d'accord, bah c'est cool, bah félicitations. La grosse! Oui, on va, Polo. Ouais. Comment ça va? Quoi? Moi, j'ai pas le droit, alors je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, je suis allé à la plage aujourd'hui. Ouais. Et je fais le ramadan tranquille. Non, et la grosse, tu fais pas le ramadan, puisque tu manges. J'étais dans le jeûne total. Ah, putain, me saoule. Samir, welcome. Ouais, Polo, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Dis-moi. Bah alors dédicace à Maïva. Hey, attends deux secondes, hey, Samir. Ouais. Tu t'es cru où là? Ouais quoi? Bah t'attends la fin pour faire les dédicaces, tu te crois où? Tu crois que tu viens comme ça, que c'est une poubelle ici? Allez casse-toi, le doux moelleux. C'est mignon comme nom ça. Bonjour Polo. Salut le doux moelleux. Ça va? Ouais et toi? C'est toi qui es moelleux. Non c'est toi? Non. Ah si c'est toi qui es moelleux. Tiens mais Chabit. Pourquoi tu veux faire un chabit par téléphone? Tiens, chabit, c'est toi le chabit. Le doux fruité. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle en fait pour savoir combien vous avez d'éjaculation par jour. Bah, ça dépend des jours. Ah non, mais je vois pas le rapport. Bah si, tu me demandes combien vous avez d'éjaculation par jour. Je te dis, ça dépend des jours. Non, pas de ça entre nous. Ah si, le mec fait des canulars maintenant. Brian. Ouais, tête de mort. Ouais, je peux faire des... Oh, écoute. Je t'écoute, putain, mais parle. Je veux faire le générique et dédicace, y'a moyen. Ok, le fou. Ouais, bâtard, salut. Ma générique. C'est tout? Limite ta mère aussi. Ok, avec plaisir. La douce fada. Polo, je peux faire le générique. C'est tout? T'as pas autre chose à dire? Non, si. Ouais, bah, reparle. Attends, j'ai oublié. De quoi? J'ai oublié ce que je voulais dire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est bête. La grosse, le retour. Oui, le retour, j'ai entendu moelleux comme du brownie au chocolat et fruité comme un bon jus de fruits. Non, moelleux comme un doux moelleux et fruité comme un doux fruité. Laisse-moi parler! Excuse-moi, Polo. Bon, qu'est-ce que tu veux, la grosse? Oui, donc à la plage, le vendeur de cacahuètes, il est venu. Et j'ai pas pu m'empêcher de le casser la gueule et de tout manger. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, la grosse? Mais quoi, j'ai cassé le ramadan, t'es nul! Mais non, mais tu le fais pas! Mais j'étais en train de le faire! Tu ne le fais pas! Attends, là, je vais aller me taper une putain de gâteau au chocolat, mon gars! Eh, la grosse, rappelle-moi le principe du ramadan! Il faut arrêter de manger à 4h du matin et on n'a le droit de manger qu'à partir de 21h! Ah bon? Faut-il avoir des règles? Et toi? Et toi, tu bouffes toute la journée, mais tu fais le ramadan et t'es dans le jeûne total. Je vais le bosier toute la journée. Mais tu devrais essayer de faire le ramadan et de commencer à manger à 9h, t'arrêtes de manger après, tu recommences à midi, et puis tu recommences le soir vers 19h. Non mais ta gueule. Bon, Samir. Ouais, petite devinette. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui est rose, qui fait 5 cm normalement, sans se déplier et qui fait rêver toutes les filles de 18 ans? Je sais pas. Un permis de conduire. Ok, 5 cm, il mesure le permis de conduire. C'est quoi ton permis de conduire? Bah, quand il est plié. Oh putain. Le doux moelleux. Oui. Oui, je t'écoute. Dis à la grosse que j'aime bien les petites rondeurs bien toutes douces, toutes profondes. Ça m'excite. D'accord, le doux fruité. Je t'aime, sac à merde. Merci beaucoup pour ça. Brian. Ouais, enfant de pute. On fait les dédicaces maintenant ou après? Hey, mais vous êtes tous des mongols aux planchettes ou quoi? Ta grand-mère, hey, quoi, la tienne, espèce de chien, va. Cul, je t'emmerde, j'emmerde les planchettes, je pisse sur les planchettes, moi, et casse-toi. Moi, je pisse sur le plancher. Putain, c'est incroyable, il y a que des mongols aux planchettes. Et là, j'ai pas envie de prendre l'autre gogol, là, il va me saouler. Le fou! Hop là, dégage! La douce fada! Polo, pourquoi t'as dit que t'étais bête? Bah, parce que t'es bête! Mais enfin, pas de sang entre nous, ton Polo. Ah bon, bah. C'est devenu leur phrase. La grosse! Ouais, on répare des bons génériques et puis ta gueule, Michael, tu connais pas le ramadan, toi. Moi, je connais mieux que toi. Je vais monter à Paris, je vais te casser les dents. Ok, Samir. Ouais, dédicace à Angela, Andrea et Yann et déjà. Hop là, le doux moelleux, conclusion, s'il te plaît. Est-ce que je pourrais faire le générique pour faire plaisir? Avec plaisir, le doux fruité, conclusion, s'il te plaît. Ouais, gros bisous à Justine, est-ce que je peux faire le... Ok, le générique, ça s'appelle. Samir, conclusion. Générique, s'il te plaît. Ok, oh, ça va être... Ça va être lourd le générique ce soir. La douce fada, conclusion. Oh, dédicace à Samir, Cédric et toute la team et Brandon et tout. Et Mickaël, s'il te plaît, me raccroche pas après le générique, faut que je te dise. Ok, le fou, conclusion. J'ai dit Vanessa, générique et nique ta mère. Ok, Brian, conclusion. Ouais, dédicace à Arnaud, l'autre, je sais plus son prénom, nique ta grand-mère et le générique, fils de pute. Enculé des planchettes, va. Et pour terminer, la Segro, conclusion, là, ma gueule. La Segro, je fais une petite dédicace à Ronald McDonald qui nous écoute. Ouais. Et à KFC aussi, Kentucky Fried Chicken. D'accord. Et je voudrais parler des beaux génériques aussi. Bah attends, t'as pas autre chose à rajouter, la grosse? Parle-moi de ta journée, s'il te plaît. Bon, alors aujourd'hui, je suis à la plage. Ouais. Je suis après 4h du matin, j'avais arrêté le jeûne. T'as d'accord. vu, je n'y vais plus, je mangeais plus. Arrivé à 4h du matin, j'ai dormi jusqu'à 7h. Ouais. Vers 8h, je suis allé à la plage un peu. Ouais. Et là, j'ai croisé ce connard hein, qui vendait des cacahuètes. Ouais, jusque-là, jusque-là c'est normal. Le ramadan se passe bien. Jusque-là, quoi. J'étais à genre. Mais laisse-moi parler, putain. Excuse-moi, Polo. Oh, putain. Bon, vas-y, continue. Et donc je croise mon connard, il dit cacahuètes pas cher, venez goûter les cacahuètes. Et moi je lui ai dit, je vais pas les goûter, je vais te niquer, je vais les bouffer les cacahuètes. Ouais. Et là je les ai bouffés, puis j'ai cassé le ramadan. Parfait. Ouf, attendez, je respire un peu. La grosse conclusion, s'il te plaît. Michael, ferme ta gueule. Bon, j'ai rien dit, mon gars. Merci, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui m'ont écouté. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Je suis numéro 1 ouais, et ça, ouais, ça n'a ouais, pas de prix. Bla. Bon, allez, minuit 2, c'est reparti hein, depuis 3 minutes hein, pour entre les Pays-Bas et l'Argentine. Toujours 0-0, c'est prolongation donc pour cette deuxième et dernière, évidemment, demi-finale de la Coupe du Monde 2014. Bon, c'est une blague tout ça, là. Ils vont tous faire un générique ? Oh putain. Bon, allez, hop, on appelle d'abord le gagnant pour le foot ou la gagnante. Ça va être chaud là. Ouais, ça va être chaotique, ça va être bruyant. Bonjour. Ah, dommage. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Bon, allez-y hein, du coup. Message hein. Après le bip. Bah ouais, on va faire ça, ouais. Bah alors, pourquoi ça... Ah, c'est Sandro qui a coupé. Bah, bravo, je vous laisse un message. J'ai pas fait exprès. Bon, je rappelle, je laisse un message. La ligne. Bon, bah oui, bah, je m'en fous de la ligne. Bon, on rappelle. Donc, du coup, maintenant, allez-y pour ceux qui. Ah, bah non, ça sonne. Il a de la chatte, lui, hein. Ou elle. Allô. Putain, tu peux remercier Sandro, hein. C'est parce qu'on vient de t'appeler, c'était le répondeur, j'allais te laisser un message, sauf que c'est dingue, elle a raccroché avant, avant qu'il y ait le bip, j'ai pas pu te laisser des messages, et comme je suis rageur, je voulais te laisser un message, et t'as décroché, donc t'as de la chance, mec. Bon, comment tu t'appelles? Vincent. Salut Vincent. Bon, alors c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et j'avais une question à poser. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot de l'Argentine? Deux. Eh ben c'est une bonne réponse. Ouais. Eh ben voilà, tu gagnes le maillot de foot de l'équipe de ton choix avec Fun Radio et Pro Direct Soccer. Mais tu veux quel maillot, dis-moi? La France. La France, très bien. Bon, on peut t'envoyer direct puisque de toute façon, on sait qu'il y aura pas une étoile. Ouais, on sait qu'il y aura pas une étoile en sus, donc allez, côté, on sait jamais si toutes les équipes meurent. Ben oui. Et qu'il reste juste la France, ils vont leur donner par forfait. Peut-être une demi-étoile alors. Tu vois? Une demi. Ah. Peut-être une demi. Bon, eh ben pas de problème, on va te filer ça, il y a pas de souci et tu restes au standard, on prend toutes tes coordonnées, d'accord? OK, merci beaucoup. Bon, ça roule. Salut à toi. Allez, bonne soirée, bonne nuit. À bientôt. Alors, allez, c'est parti maintenant pour le générique de fin qui va être hyper méga bruyant puisque ils veulent tous chanter en même temps. Brian, le fou, la douce fada, la grosse, le doux moelleux, le doux fruité. Bon, vous êtes là? J'ai déjà mal au crâne. Allez, on y va. Je dirais qu'il y a des mouches derrière. Quelle heure est-il? C'est insupportable, quoi. Quelle horreur. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu m'ouvres des vitres, te soucier, toi l'enculé. Mais faites les taire par pitié. Oh, ils sont complètement mongols. Ah, attendez, je vais raccrocher tout à coup là. Regarde, regarde. Mickaël, ta gueule. Et voilà. Oh putain, ça fait du bien. Je viens de faire un génocide au standard là. Tous finis d'un coup là, écoutez. Oh, c'est beau. On est bien, non, quand il n'y a pas de bruit? Ah oui. Oh putain, on est bien. En fait, je crois qu'ils ont pas compris. Ils ont compris que c'est un défouloir. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont pas compris que c'était une chanson. C'est ça. Ils chantaient le générique. Non, ils ont pas compris. Mais c'est pas grave. Écoute, qu'est-ce que tu veux. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. On sera de retour dimanche, bien sûr, à 20h minuit. Mais demain aussi, 20h minuit, en direct sur Fun Radio. Continuez à balancer tous vos messages sur le Facebook et le Twitter de l'émission. N'hésitez pas. C'est la 97e minute et toujours 0-0 entre les Pays-Bas et l'Argentine. Bah, tant pis. Hein. Bah, merci aux deux qui sont passés nous voir. Hein. Ryan et le pâtissier Fun. Ça va, oui. Ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Qui avait raison encore sur le match là? Mais Mickaël, comme d'habitude. Eh ouais. Bon, note, j'avais quand même dit 3-1 avec prolongation. Bon, il y a 0-0. Mais ouais, mais peut-être. Bah, tu sais pas, les prolongations parfois il se passe des trucs bizarres. Exactement. En tout cas, j'ai déjà raison sur les prolongations. Ouais. C'est déjà ça de pris. 3-1, je reviens demain, je te remets une bouteille de champagne. J'aime pas le champagne, je préfère un mojito. Ouais, oui, voilà. Très bien. J'ai déjà une bouteille. J'ai déjà une bouteille, mais c'est pas grave. Plus, c'est toujours bien aussi. Ouais. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Bon, on va se retrouver donc demain à partir de 20h sur Fun Radio. Passez une excellente nuit. Gros bisous tout le monde. C'est parti Fun qui déboule. Et puis en pleine forme, Tof qui va faire quoi là ce soir là? Je vais aller me. Ah bah il va bouffer les gâteaux là, il en reste plein là. Mais je les regarderai devant Californication. Ah bah bien sûr, évidemment. Polo lui qui va. Oh, je vais aller sortir pécho de la meuf tranquille comme ça à l'aise. Il va aller essayer toutes les phrases qu'on a dites dans l'émission. Ouais. D'accord, ok, très bien. Mais il paraît que ça marche. Bon bah très bien. Allez, bonne nuit tout le monde. À demain à partir de 20h sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël, No Limit sur Fun Radio.